Nazi est missionné sur le dossier, peut-on en conclure un grand prix? Oh, j'ai... Dans le derche. Les frites de chez Burger King. Je viens de roter, je crois. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau Racing Café. Comme le dit Contexani, il y a de l'actu ce soir, donc autant vous dire que il va être chargé le Racing Café, même si nous ne sommes que deux, vous le voyez pour l'instant, mais en tout cas ça sera bien chargé. Comment va le A ce soir? Eh ben bonsoir à tous, le A va très bien. Pour ma part, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai strictement rien vu ce week-end, mais on a toujours des choses à dire, on a plein de choses à dire, en plus on a eu quand même de la F1 qui a débuté depuis le début de semaine, donc... On va passer une bonne petite soirée à parler de tout ça. Et regardez qui arrive aussi, le G. Oh là là, ça y est, il s'attache les cheveux maintenant. C'est terrible. Quel enfer. attendez, on est à l'antenne ou pas? Je ne suis pas prêt. Pardon, savais pas que l'émission avait commencé. Ça a commencé là, ça y est. Oh la vache. Qu'est-ce que tu fais capillairement là? Déjà, et puis la qualité du son est abominable. Ah, alors attendez. Ah oui, on est à l'antenne, ok. est-ce mieux? Pas du tout. Ton micro est sans doute dans un certain endroit, alors sors-le. Voilà. Oh non, ça c'est pas moi, ça vous confondez. Il n'y a toujours pas de confort dans le Cantal, non? Ça, c'est, c'est surtout que là, il n'est pas dans le Cantal. Voilà. Est-ce mieux? Non. C'est mieux. Non. C'est mieux. C'est pire. Non. Bah, allez vous faire foutre, hein, que je vous dise. Non, mais si vous voulez, ça fait juste 7 ans qu'on fait cette émission. Donc, à un moment donné, oui, niveau expérience de son, voilà. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en podcast et qui passent un vrai bon moment, là. Attendez. J'ai une idée. Ah. J'ai une idée. Allez-y, meublez. Non, c'est un très bon moment. Donc là, non, là. j'en profite pour regarder tes cheveux. Parce que là, c'est vraiment quelque chose. C'est terrible. Alors, comme on dit dans le chat, le G peut demander à des cons. Oh là. C'est Tahiti Bob. C'est littéralement Tahiti Bob. Voilà. Non, mais le problème, Gazou, c'est la personne qui partage ta vie. Qu'en dit-elle, cette personne? Parce que là, c'est incroyable. Elle laisse vivre la chose. Est-ce que c'est mieux, là, au niveau du son? Pas du non, tout, c'est hein. Pareil. Mais tes cheveux, c'est sympa. Dick Rivers est jaloux de cette banane, tout à fait. Oui, alors on me pose la question, évidemment. Tu pourrais demander voilà, à quelqu'un qui a besoin d'informatique, est-ce que cette personne a vraiment possédé l'entreprise informatique? Non, mais tout ça est... Voilà, hein, c'est terrible. Faut bien faire la toile d'araignée dans les coins. Ça marche. Là, ça doit être mieux. Non. Merde. Là. Oui, bon, non, oui. Enfin, oui, c'est audible. Ah, là, désormais, c'est mieux. Pas du tout, ça n'a rien changé. Mais. On marquait quand même que la personne. L'autre, il n'a rien touché. Ah, là, c'est mieux. Ah oui. Attendez. Slim m'a dit bonsoir à tous, sauf aux joueurs de l'OM. Moi, j'aurais dit sauf aux gardiens de but de Benfica, surtout, mais. Ouais. Tant pis pour eux. Voilà. C'est quand même incroyable. Ils avaient qu'à pas perdre 3-0 contre Bruges, hein, après exactement. Tout. Exactement. Déjà, ils avaient qu'à perdre 1-0, puis c'était bon. Voilà. Et là, par exemple. Oh bon. C'est déjà mieux. Oh, il ah, était oui. temps. Ah, voilà. Ne touche à rien. Ah, parce que j'étais en configuration Cantal, c'est pour ça. Pardon. Alors, bonsoir. Ah, parce que. Bonsoir, le chat. Il y a des différences. Et oui, non, mais attends. Du lambris, du placo, du parquet, du carrelage, le son. Ah oui, son donc c'est, on a, d'accord, on a Will.i.am avec nous, quoi, il n'y a pas de. Ok, oui. Et, écoutez, moi, écoutez. Est-ce que tu veux dire let's go? Non, mais écoutez, moi, c'est Jean-Jacques Goldman qui me fait mes tutos son. Donc, écoutez. Et c'est Laurent Voulzy qui me fait mes tutos coiffure. Oui, ça c'est juste. On vous demande tuer ou Garou, bah évidemment, donc maintenant c'est devenu Garou, il n'y a plus de problème. Hein, c'est... Bonsoir! Non, c'est Jean-Marie Le Pen, ça. Ouh là là, ouf. Ouh là là. Ça, ça ne va pas du tout. On dirait moi avec les musiciens sur scène, nous dit le sondier en train de faire semblant de toucher au potard en disant c'est mieux là. Oui, parfait, mais c'est ça. Okay, attendez, attendez, c'est mieux. Bon, c'est mieux. Mets-moi plusieurs réverbes. Jean-Louis, mets-moi du grain dans l'oreille. J'ai pas. Ah, oh, j'entends mal. Ah oh là là, ça ne va pas. Donc c'est assez terrible hein, ce qui est en train de se passer. Mais bon, voilà, le jeu a l'air d'aller bien, donc tout va bien. Voilà, il y aurait. Voilà, oui, je s'en bats les couilles. Donc, voilà. Donc là, très très bonne soirée à toutes et à tous. On est à l'antenne, pardon. écoutez, voilà, à un moment donné, bon, je vais pas dire que j'étais mieux reçu à Rétromobile que dans ma propre émission, mais enfin, le cœur y est. mais bon. Non, je vais très bien, pardon. Ah ben c'est bien, voilà, c'est une très bonne nouvelle. C'est terrifiant, mais je laisse l'image, écoutez. Bah, de toute façon, bon, on en est, hein, à un moment donné. Ça fait un peu Mufasa, non? Oui, ça fait, oui. Ou Beetlejuice. Oui, ou Jackson 5, enfin oui, il n'y a pas de, non, c'est dramatique. Éric Antoine à ses débuts. Oui, aussi. Oui, effectivement, ça ça fonctionne. Est-ce que tu fais 3m50, je ne crois pas. Voilà. Monsieur, tu préfères Richard Hammond ou Gazou? Bah, l'un des deux, quoi, déjà, donc c'est déjà, oui, pourquoi il n'y a pas Richard Hammond? C'est vrai, mais pourquoi je ne vais pas demander? Do you know Racing Café? Come to the Racing Café? Oui, j'aurais dû, je suis désolé, mais bon, je ne fais que remarquer qu'effectivement, il y a peut-être de la jalousie suite à cette rencontre très fortuite. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de vous citer un message que j'ai reçu pour vous dire à quel point la jalousie est importante. Voilà, j'ai mis. La vidéo d'Oliver qui arrive au salon. Vas-y, sale bâtard. Voilà. Ensuite, j'ai envoyé le selfie que j'ai pris. Il m'a dit, oh, quel enculé, putain. Voilà. Cette personne est potentiellement strigoune. Voilà, bon. Mais oui. Rassurez-vous, il y a eu selfie. Hein, bien évidemment. Voilà, bienvenue, on est en 2004. Hein, voilà, il y a eu selfie, évidemment. Indépendamment de toute considération politique, je croise Richard Hammond, il y a selfie. Voilà, c'est la moindre des choses. Non, mais je tiens à vous le dire, parce que sachez que Richard Hammond n'est peut-être pas la plus grosse célébrité qu'on a croisée à Rétromobile. Je veux qu'avant qu'on parle des résultats du week-end, parlons Rétromobile. Parce que c'est très bien, déjà, si vous voulez y aller, c'est très bien. Voilà, c'est super, regardez. Chez Mazda, j'ai reçu un très très beau goodie. Voilà, donc c'est très bien. Moi, je valide. Mais, il faut qu'on vous raconte quand même la gueule de la soirée presse et des premiers jours de Rétromobile. Bon, alors, je dis ça, il y aura encore d'autres célébrités certainement qui vont passer. Mais alors, on arrive au salon. On pose nos affaires en salle de presse, machin. On descend. Première personne qu'on voit, je parle même pas de célébrité, hein, première personne qu'on voit, Richard Gasquet. Là, on s'est dit, la soirée va être fabuleuse, déjà. Là, déjà, on se dit, oh là là là. Donc, il y a Richard Gasquet. Je crois même que j'ai envoyé la liste, hein, c'est pour vous dire, parce que là, elle est. Alors, rassurez-vous, c'est pas le plus what the fuck. Mais déjà, on arrive, on fait. En fait, le problème, c'est que, avec mes collègues, on a un peu ce jeu où on fait les sosies. Hein. Et donc forcément, quand mon collègue dit Richard Gasquet, je me dis, bon, alors attends, on va trouver qui ressemble à Richard Gasquet, puis je tourne la tête, je fais, non, d'accord, c'est ok, donc il n'y a pas de souci. Richard Gasquet, pas de problème. Ensuite, on est tombé nez à nez avec Florent Pagny. Ah oui. C'est pas mal aussi. Ah ben, pardon. La veste en crocodile, puis Florent Pagny. Eh ben non, il n'avait pas le croco taché. Eh ben non, il n'a pas taché le croco. Mais donc Florent Pagny. Et alors ça, c'est pas Florent Pagny que t'as croisé à la buvette. Pas Florent Pagny. Pagny. Donc rassurez-vous, et ça croque quoi en veste. Et rassurez-vous parce que le what the fuck n'a fait qu'augmenter dans la soirée. On se sépare à un moment parce qu'on doit faire de chacun des sujets de notre côté. Et à un moment, mes collègues me disent, alors juste, hein, je veux pas vous inquiéter, mais je pense que j'ai pris la tête dans le concours, j'ai croisé Jean-Luc Reichmann. Alors déjà, là on s'est dit, bon, là c'est plus possible. La question court. Non, mais... mais il m'a dit, Jean-Luc Reichmann en détente, hein, en pull, tout seul, machin, parce que Florent Pagny était avec 17 personnes, machin, 8 personnes qui tapent un seul fil. Jean-Luc Reichmann, aucun problème. Hein. Mais je pense que j'ai gagné. Alors, c'est une journée média VIP, tout à fait Xoens, mais vous pouvez y accéder en tant que spectateur si vous payez simplement la bagatelle de 100 euros. Donc, ma foi, c'est tout à fait ouvert à toutes les bourses. Et je pense que j'ai gagné le plus grand what the fuck. Là, on ne peut pas être battu. Là, je pense que j'ai gagné. Je marche, je tourne la tête. Régis Laspalès. Voilà. Donc là, là, à Régis Laspalès, Marie-Jean-Bec dit texte, j'aurais presque préféré. Mais le Régis Laspalès, là, je n'en ai pas cru mes yeux. Là, ouais. C'était exceptionnel. Et comme il a fait, parce que si tu vas à Trouville-les-Oies, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais je pense, alors, je ne sais pas s'il est venu depuis, en train depuis Pau, peut-être, je ne sais pas. Mais c'était fabuleux, ça. Et hier, soudainement, Laurent Blanc, hein, voilà, avec la casquette, tout ça, tranquillement, pas de, ouais. Pas de problème. Mais après d'autres, voilà, j'ai pas d'autres, d'autres personnes inattendues. Parce qu'après, bon, Olivier Pagny, Jackie X, tout ça, on s'attend à ce qu'il soit là. Hein. C'est pas très surprenant qu'il soit présent. Oui, Gazou. J'ai une anecdote sur Laurent Blanc, dis donc. Savez-vous que j'étais voisin avec les parents de Laurent Blanc ? Formidable. Ses parents habitent à Rousson, commune du Gard. Oui, on va donner leur adresse également, il n'y a pas de problème. Oui, numéro de téléphone aussi. Voilà, le numéro de sécu, et puis le... Oui, bien sûr, mais il n'y a aucun problème. Non, mais c'est connu, parce que là-bas, le stade... Stade municipal a été rebaptisé Laurent Blanc. Et quand il a gagné la Coupe du Monde en 1998, il est venu à Rousson, donc avec la réplique, bien entendu, pas la Coupe du Monde, mais j'ai pu toucher la réplique de la Coupe du Monde, qui est affreusement dégueulasse. C'est du plaqué or qui s'écaille de partout. Elle est horrible, la réplique. Alors attention, c'était la coupe, c'était le truc de 98, parce que depuis, ils l'ont restauré. Hein. Ah, oui, parce les que répliques tu... Ben, tout en fait, parce que tu remarqueras, ah ouais. quand il soulève Didier Deschamps à Coupe du Monde, elle est immonde, hein, justement, c'est la Coupe de l'immonde, hein, plutôt, elle est une espèce de doré passé et tout, et maintenant ils la font briller et tout, ils ont, voilà, elle retrouve un petit peu son lustre d'antan, si vous voulez, enfin un petit peu, toutes ces personnes étaient vraiment là pour les voitures anciennes ou pour se faire voir du peuple. Non mais alors, pour le coup, je pense que tu viens vraiment à être mobile pour voir les voitures, hein. Là, quand même, c'est quand même l'objectif, hein. C'est un endroit sympa, hein, je dis pas, mais je pense pas que c'est l'endroit où tu vas forcément pour te faire voir. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il manque un Jean-Pierre Foucault dans ton bigot et là. Ah, dans mais ton peut-être qu'il était là, moi, je ne sais pas. Ouais. Tu sais, j'étais persuadé d'avoir croisé Louis Baudin sur le studio RTL. Non, c'était pas lui. C'était un autre chauve. Voilà, bon, bah tant pis, c'est pas un gros problème. Après, on t'a le payé, on évite là-bas, on y va, et puis j'y vais. Oui, mais voilà, mais imagine, t'en as rien à foutre des voitures. T'emmener dans un truc pareil où tu vas juste regarder des bagnoles pendant 4 heures, bon, c'est. Je pense que Rétromobile, quand t'aimes pas les voitures, c'est chiant. Ah oui, ça sert à rien. Nous, on adore. Ça, y a pas de souci. Mais sinon, voilà, c'est pas génial. Oh, juge le qui nous dit sur YouTube, j'ai un Fiat Turner. Ah oui, bah là, c'est gagné. Hein. Là, et si quelqu'un a vu Francis Lalanne, c'est victoire finale. Non, mais bah, moi, je pense. Je ne veux pas m'avancer sur la suite de la semaine, mais je crois quand même que mon Régis Laspalès, il va tenir. C'est pas possible. Là je peux pas. Je vois pas comment on peut me détrôner. On le connaissait pas, fan des anciennes voitures. Des trains, oui. Des trains pour Pau, voilà. Je pense que. Oui. Il y a juste, si quelqu'un d'un de mes collègues croise les Chevaliers du Fiel ce week-end, là, effectivement, là, peut-être qu'il y aura battle. Mais comme sinon... dit MMG dans le chat, oui, Jean-Pierre Foucault est un amoureux des voitures anciennes. Et une fois, sur le plateau de Sacrée Soirée, il lui avait fait une surprise à Jean-Pierre Foucault. Ouais, il y avait apporté une Delahaye, donc une magnifique bagnole que son père possédait. Et sur le coup, Jean-Pierre Foucault a cru qu'on lui offrait une Delahaye. Une voiture de collection qui doit valoir dans les 80 000 balles, tu vois. Donc, il a eu. Alors, sur le moment, il était heureux sur le plateau, voilà, et, etc. Et après coup, émission terminée, une fois dans les coulisses, il faisait un peu la tête parce que malheureusement, on ne lui a pas offert la voiture. Putain, c'est Marc de la Flamme, en fait. L'arrivée, c'est ma maison, vous m'offrez la maison. Pas du tout. Putain, vous m'offrez la Delahaye ? Mais non, mais personne ne fait ça. Ah si, il y a l'émission « On vous offre une Delahaye ». Si, ah bah si, c'est une très très bonne émission. Donc c'est terrible là, ce qui est en train de se passer. J'ai visité la Tour hier, j'ai kiffé, j'ai acheté le livre de Loïc Depailler sur son père et dédicacé. Ça c'est très très bien, ça va être clair. Il y a des très très belles choses à la Tour comme toujours. C'est vrai qu'il était le fils. Comment, Gazou ? C'est vrai qu'il était là, le fils. Oui, Loïc Depailler qui était là. Bon, y a du monde, hein. On a croisé Jacques Nicolet chez IG, évidemment. J'ai croisé Olivier Panis tout à l'heure, là, qui était très sympathique. Harry Vatanen, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Bruno Sabi, qui est revenu avec du sable plein les bottes, bien sûr, depuis son Dakar. Oui. Est-ce que Vatanen mettait sa main pour se cacher des néons? Il a pris une photo avec la main comme ça, avec des gens qui lui vont demander. Donc il était très, très, très drôle là-dessus. Gazou va pas être mobile, un petit aller-retour quand t'as le Paris. Bah non, mais imagine, il rentre pas habillé comme ça. Enfin, habillé chevelu comme ça. Oui, ah voilà, oui. C'est ça. En Laurent Voulzy, peut-être tu peux rentrer. Voilà. Mais une marinière. C'est Laurent Vasy, là, plutôt. Hein. C'est plus compliqué. Bon, parlons quand même de ce qui s'est passé ce week-end, mesdames, messieurs, après cet intermède rétromobile et célébrité. Voilà, mais n'hésitez pas, si vous vous rendez à rétromobile ce week-end, taguez-nous, hein, un petit tweet pour dire les gens insolites que vous avez vus. Tout ce qui a un rapport avec le sport auto, ça ne compte pas. Hein. Ça, excusez-moi, mais je me contrefous de savoir que vous avez rencontré Lewis Hamilton. Voilà, par contre, si vous rencontrez Eric Antoine, il y a selfie. Voilà, ça, voilà. Ça, il n'y a aucun doute. Il y a selfie, s'il vous plaît. Est-ce que la F1 ne se serait pas inspirée de rétromobile pour créer une rotation sur les ailerons mobiles? Niquez-vous. À un moment donné, j'en ai pas. Gazou n'a pas mis un os dans ses cheveux. Oh putain, c'est Tahiti Mail, en fait. Oh, c'est terrible. C'est affreux. Et je ne sais. C'est quand déjà que tu te coupes les cheveux? Eh bien, je l'ai dit au titre bah oui. De Charles Leclerc. Oh, là, vous imaginez? Bon, bah jamais, quoi. C'est dommage. Bah, ça va, j'aurais pu dire Lance Stroll. Bah non, mais bon, pour l'instant. Pour l'instant, on est au même niveau. Hein. Voilà, là, c'est un peu compliqué. Non, mais imagine, il n'est jamais champion du monde. Mais comment ils vont te mettre dans la boîte à la fin de ta vie dans 60 ans? Comment? Il est peut-être possible que j'ai réussi à casser. J'ai fait le hack life, peut-être. Peut-être que je ne pourrai jamais mourir parce qu'on ne pourra pas me mettre dans la boîte. Ah non, mais non, le gros problème, c'est surtout si tu décides de te faire incinérer, il y aura deux urnes. Et ça, c'est quand même très embêtant. C'est parce que ça fait des frais, quoi. C'est une boîte pour gazou, une boîte pour les cheveux, exactement, un choum. Donc c'est pas. Voilà, à un moment donné, imaginez le kilo de bois qu'il va falloir, là. C'est absolument pas possible. Et alors, je suis terriblement déçu parce que je pensais honnêtement pouvoir avoir une barbe plus longue. Et en fait, non, je suis bloqué là. Et ça pousse de l'autre côté. Ça pousse de l'autre côté, c'est absolument terrible. Alors, on nous dit, si quelqu'un croise Dany Briand ce week-end, là, c'est gagné. Oui. Là, absolument. Ce sera exceptionnel. Allez, commençons avec ce qui s'est passé ce week-end. Il s'en est passé des trucs. Donc, en plus, là, ça va être sympa. Montoya, un seul arrêt. 12. Oliver Solberg a donc remporté le rallye Monte Carlo. Alors, on va pas dire qu'on l'avait un petit peu senti venir quand même. Hein. On savait qu'il allait être pas mauvais. Oliver Solberg, mais de là à gagner le rallye avec une minute d'avance sur Alvin Evans, on l'aurait pas forcément parié. Avec ce triplé Toyota, Solberg, Evans, Ogier. Sébastien Ogier qui a adoré d'ailleurs hein, les pneus en Cook. Donc, si vous voulez lui offrir un cadeau, n'hésitez pas. Hein, voilà, un petit jeu de... Prochain ambassadeur de Hankook. Voilà, un jeu de Hankook chez Noroto, c'est le cadeau qui fait toujours plaisir, surtout à Sébastien Ogier. Oliver Solberg, meilleur que Peter Solberg. Il y en a deux qui sont champion du monde WRC. Et puis un des deux qui a gagné le Monte Carlo. Oh là là, tout de suite, il n'est pas gentil, oh là là. Il a gagné le problème, c'est qu'il a gagné un Monte Carlo épique. Ça, il faut le reconnaître en plus. J'allais dire, c'est quoi? C'est l'IndyCar ou l'Indy 500? C'est pareil. Non, mais là, en plus, là, il a gagné un Monte Carlo qui vraiment valait son pesant de cacahuète. Parce qu'on a eu toutes les conditions possibles et imaginables. Hein, c'était vraiment de la folie. Avec de la pluie, du brouillard, du verglas, de la neige. Vraiment, c'était. On a eu le Monte Carlo qu'on désirait. Et bon courage à toutes celles et ceux qui vont faire le Monte Carlo historique parce qu'ils se murmurent que les conditions seront les mêmes. Donc, ça va être hilarant. Est-ce qu'Elvin Evans c'est officiellement la réincarnation de Raymond Poulidor? Bah, Raymond Poulidor, il lui arrivait de gagner des fois. Alors Evans aussi, il a gagné des rallyes, mais bon, là c'est vrai que ça doit l'embêter, Elvin Evans, un peu quand même, parce qu'il en début de saison, Tanak a pris sa retraite, Roman Perra a pris sa retraite, Ogier est toujours à mi-temps. Ah, c'est mon année. Et c'est là, t'as le même. L'autre il se dit, il fait enfin tout bien sur un rallye, sur un Monte Carlo, machin, et soudainement, il dit non, mais Solberg est quand même plus rapide. Non, mais niquez-vous, hein. Puis Hülkenberg se fout en vrac 12 fois dans le rallye. Non, mais il gagne quand même. Vous en faites pas. Il sort dans un champ, il gagne la spéciale. Non, mais là, c'est terrible. Il fera 10 rallyes cette saison, Olivier, sur 14. Et bon, vu qu'il n'a pas réussi à gagner le Monte Carlo, déjà, ça prend un peu de plomb dans l'aile. Ça bagarre pour le titre, il va falloir être très fort. Mais Gazou, Hülkenberg, voilà, il a été impérial quand même, c'est chouette. Plus jeune vainqueur de l'après-guerre, parce que ça, beaucoup de gens ont dit que c'était plus jeune vainqueur du Monte Carlo, c'est faux. Il y a eu plus jeune en 1939. Et Gazou, il était. Exact. Il était là, avec mon petit 8 mm. Non, mais évidemment, tu l'as dit, ce rallye Monte Carlo, déjà, faisait plaisir aux purs passionnés, parce que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une succession de spéciales littéralement casse-gueule, c'est-à-dire vraiment avec toutes les conditions que l'on connaît, glace, mélasse, neige, etc. Donc vraiment, on a eu de la chance, la météo était un petit peu avec nous pour ces spéciales du Monte Carlo, ce qui est un véritable piège, et évidemment, on va pas se mentir, c'est le rallye qu'il faut remporter dans l'année, c'est aussi le rallye qui fait les audiences de la saison WRC parmi tous les médias écrits et papiers. Donc voilà. Donc non, mais oui, c'est clairement du one shot, quoi. C'est-à-dire, tu peux le gagner et en même temps, il faut pas être entre guillemets ridicule parce que tu vas taper un mur, sortir dans un fossé, etc. Donc il y a toute cette perplexité du Monte Carlo à gérer et surtout il y a un autre piège, c'est que les conditions sont changeantes entre les équipes de reconnaissance qui vont dire « Ah ben tiens, là, peut-être, il y a une plaque de verglas, etc. » 3 heures après, elle n'y est plus. Donc, c'est toujours très, très… Et le choix des pneus, c'est pareil. Est-ce qu'on y va en clouté? Est-ce qu'on y va en pneu neige? Donc, il faut avoir un chouïa de chance, un talent, évidemment, et une assurance en soi incroyable. Donc, je crois que… J'espère qu'on mesure la performance d'Oliver Solberg, parce que vraiment, arriver comme ça dans l'équipe, entre guillemets, tu prends la relève d'un Romain Perra, et puis tu as quand même à côté de toi des Elvin Evans, des Ogier, en face, il y a… Des Katsuta, n'oublie aussi, bon, oublions. Donc, voilà, et je veux dire, entre les mains, tu as une Toyota, quoi. Donc, je veux dire, si tu ne gagnes pas avec une Toyota, enfin voilà, il y avait tout pour que ce soit casse-gueule et que ce soit un désastre, et vraiment étincelant, quoi. Ah, il a été incroyable, là. Franchement, Oliver Solberg. Après, bon, ça, c'est dans sa lignée aussi de sa saison de WRC2, et puis ça fait partie des choses. Lui et Fourmeau, ils ont été rétrogradés en WRC2 il y a quelques années, parce qu'ils se sont cassés les dents en rallye 1, et puis voilà, ils ont refait leur gamme, ils reviennent un peu plus matures, et ça marche très bien. Un peu triste de ne pas avoir un très bon pilote dans la Ford. Alors que Zoals, moi je ne suis pas d'accord, enfin, je suis pas d'accord, toute proportion gardée, mais John Armstrong, jusqu'à dimanche, il fait un rallye qui est vraiment excellent. On n'en parle pas, évidemment. Alors, c'est la première fois depuis 2002 que M-Sport marque pas de points sur un week-end. Donc, ça faisait quand même un bail. Mais le rallye de John Armstrong qui arrive, oui. Alors, évidemment, c'est pas une référence en face, peut-être, mais il arrive et il tape directement McLaren, mais comme il faut. McLaren qui a un an quand même dans la bagnole. C'est assez correct, et encore une fois, sur un rallye particulièrement casse-gueule, il a abandonné, mais il s'est crashé en fait le dernier jour, il est sorti de la route. De toute façon, le dernier jour des M-Sports, c'est pas compliqué, c'est merveilleux. Grégoire Munster, il tombe en panne sur la liaison de la première spéciale, il abandonne. Et dans la même spéciale, Armstrong, il sort de la route après 700 mètres, et McLaren, il sort de la route à 1 km du sommet. Voilà, bon, dans la spéciale du Turini, voilà, ce genre de choses qui arrivent. Ça peut arriver, malheureusement. Félicite dit, Olivier, de m'avancer un peu, car le Monte Carlo reste particulier. Je vois bien Solberg comme un sérieux candidat au titre. Bah, en fait, Solberg, c'était de toute façon le favori pour le titre d'une certaine manière, parce que même si, sur le papier, on pourrait dire Evans, on sait que c'est pas lui qui va aller dominer une saison. Donc, pour chercher cette patte dominatrice potentielle, il n'y avait que Solberg. Hein, finalement, quand tu regardes les Hyundai, bon, bah, on est désolé, mais c'est... Voilà, c'est d'ailleurs, j'oubliais, mais je vais rajouter tout de suite leur nom à une autre rubrique. c'est vrai qu'on a oublié un petit peu de dire que le panache Solberg, il est largement en tête. Il a fait les trois quarts du rallye avec plus de 40 secondes d'avance. Même la journée et demie jusqu'à la fin, il y avait plus d'une minute d'avance. Donc, quand tu n'as plus une minute d'avance, tu te dis, bon, peut-être que le scratch, je ne vais pas le chercher, quoi. Si, Si. Oui, non, mais il était... Voilà. Il faut que je... C'est incroyable. Je crois que ça fait partie de ces pilotes qui, justement, n'ont pas deux modes de pilotage. Tu sais, il n'y a pas 0 et 1, ça ne marche pas avec ce type de pilote. Non, mais c'est vrai, quoi. Je ne sais pas. Après, on le voyait, il était quand même... Le dimanche, il était sur la réserve. Alors, le problème, c'est que même sur la réserve, il leur mettait à certaines étapes tarif, mais... Ouais. Il allait moins vite quand même le dimanche. Ça se voit qu'il n'était pas à fond, mais il gérait. Mais parfois, la gestion, bah, c'est l'ennemi un petit peu du pilote. Alors justement, tu vois, il a fait, il a fait un demi 360 dans la Power Stage, en fait. Je me demande d'ailleurs si c'est réellement une erreur de pilotage ou si c'est justement dû un peu au fait qu'il était un chouïa déconcentré parce qu'il essayait de gérer, justement. Bah, c'est les deux, en fait. C'est un peu les deux. Alors après, mais quand tu regardes la sortie qu'il fait le samedi dans le champ, bon, voilà, déjà, c'est une sérieuse alerte. Le dimanche, la tête à queue dans l'épingle en descente, aussi, ça aurait pu très mal se finir. Donc, voilà, ce qui est fort, c'est qu'il arrive à gagner en dominant ce rallye, tout en ayant quand même fait des fautes, en ayant fait des... Voilà, en n'ayant pas été parfait. Et pourtant, il a été quand même largement au-dessus du lot. Donc ça, c'est très important pour la suite. Parce qu'on savait aussi, et il l'a montré, on savait que Solberg allait vouloir commencer doucement. Et donc ça, c'est quand même embêtant. Parce qu'il a commencé doucement. On voyait vraiment qu'il commençait, voilà, il n'y a pas tout de suite, enfin, il n'était pas en attaque absolue. Alors, c'est sûr que la première journée où il leur colle 35 secondes sur la deuxième spéciale, ça a beaucoup aidé, mais voilà, il était quand même pas à fond et pourtant, bah, il a été largement dominateur. On me demande un avis sur les pneus. Moi, je suis un peu, après, les pneus, ils sont, il n'y a pas eu en soi beaucoup de crevaisons ou quoi que ce soit. Quand tu vois ce que... Pardon, mais les pneus de Ogier, c'est les mêmes pneus que Solberg. Bah c'est ça, en fait, tout le monde a les mêmes pneus. J'ai pas trop aimé la critique. Ben oui, bah tu roules pas vite, mais d'accord, mais en même temps, ça m'embêterait, je trouve, quand même, qu'on invente un pneu qui te permette d'aller comme un taré dans les conditions aussi spécifiques du Monte Carlo. Ben oui, il y a de la boue partout. Ben oui, quand il neige et qu'après ça fond, ça fait de la boue. Ben désolé, voilà, c'est la chose qui arrive. C'est pas... Et je pense qu'avec n'importe quel type de pneu, c'est quand même très compliqué. Mais celui-ci dit, je connais pas trop Solberg fils, mais est-ce qu'on pouvait prédire une telle PF? Ah ben, Oliver Solberg, il a dominé le WRC2 l'an dernier. Bah, il gagne l'an dernier. Non, il prend une Pena, du coup. L'an dernier, il prend une Pena quand il redescend à Monaco. Oui, parce qu'il fait un donut. Oui, il fait son donut dans le garage, mais je sais plus s'il l'a fait. Mais non, je crois qu'il garde quand même la victoire. Non, c'était Russell qui gagne l'an dernier. Je sais plus s'il a gagné ou s'il a fait deuxième ou quoi, mais c'était vraiment Russell qui avait gagné les trois dernières années. Mais par contre, on pouvait s'y attendre parce qu'il domine le WRC2. Et puis l'an dernier, il arrive en Estonie, il gagne, quoi. Son premier rallye avec la Toyota, il le gagne. Là, son premier rallye asphalte avec la Toyota, il le gagne aussi. Donc c'est quand même, c'est quand même très fort. Ce que disait Aurélie, c'est que c'est les pilotes plus anciens qui ont connu Pirelli, voire Michelin, qui étaient les plus critiques. Oui, mais ça, après, c'est toujours pareil. C'est sûr que quand t'as l'habitude d'un produit exceptionnel, bah t'as un peu de mal. Mais rappelez-vous, là aujourd'hui en MotoGP, tout le monde est très content des pneus. Quand Michelin est revenu en 2016, tout le monde a trouvé que c'était une catastrophe absolue. Enfin, ouais. Et ils ont fait que cracher dessus. Et pendant 3 ou 4 ans, ils ont craché dessus. C'est ça. Et maintenant, ils disent, c'est génial. Alors, c'est dommage qu'ils s'arrêtent. Bah oui, mais bon, voilà. Pirelli, ils vont leur cracher dessus pendant 2 ans. Et puis, les Pirelli, tout le monde s'adaptera. Et voilà. Et là, c'est pareil pour le WRC. En coups qui viennent. L'an dernier, ils ont eu un Monte Carlo qui était assez sec. Donc, c'était pas facile. Là, ils ont eu le pire Monte Carlo possible pour les pneus. Après, moi, j'avoue que le fait quand même que le meilleur choix de pneus pour la super spéciale de Monaco dans un déluge absolu, c'était les slicks. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, c'était franchement, c'était franchement quelque chose quand même, ce Monte Carlo. Avec donc Kevin Mass deuxième, troisième place pour Sébastien Ogier. C'est Hankook qui fournit les pneus, on l'a dit il y a quelques instants. Les pneus Hankook, on a deux Hyundai dans le top 5, et puis sixième, Léo Rossel, qui gagne le WRC2 avec la Citroën C3 Rail 2. On avait un peu peur pour la famille Rossel, parce que donc Léo restait sur 3 victoires de suite. Première spéciale, on en a parlé la semaine dernière. Bon, il a placardé l'ancien, il a déjà tapé un bord de montagne et c'était foutu. Et finalement, Léo a repris le bâton et a tranquillement été allé gagner ce WRC2. Encore une fois, avec une grosse avance, mais lui au moins, il n'est pas sorti de la route. Ce qui n'est pas arrivé à Gréazine, ce qui n'est pas arrivé à d'autres. Voilà, lui, il a réussi à garder sa voiture en un morceau. Il devance Roberto Dapra et Arthur Pellamourgue qui gagnent cette place sur le podium dans la dernière spéciale parce que Eric Camilli prend 3 minutes 20 de PIT. Toujours pas exactement compris ce qui s'est passé pour Camilli d'ailleurs, qui a pointé pas à l'heure prévue et donc a pris 3 minutes 20 de pénalité. C'est quand même dommage de faire ça sur l'Italien spécial. Mais Léo Rossel, top, hein, il a été très très bon aussi. Hein. Ah ouais, complètement. Puis au moins, ça permet de continuer un petit peu la lignée des Rossel. Et non, mais rien à dire. Surtout qu'en plus, c'était sa dernière, dernière course sur la C3. Je crois qu'il passe sur la. Passe sur, il change de voiture après. Bah en fait, il ne sait pas ce qu'il fait pour l'instant, surtout Léo Rossel. C'est ça le souci. C'est pas acté, c'est pas des. C'est ah non, rien. Pour l'instant, Léo Rossel, il est venu, il a plié le Monte Carlo et il espère que ça va lui permettre de faire plus de rallyes. Ah oui, d'accord. J'avais pas compris sa déclaration. Oui. Je pense qu'il fait le. Il va faire le championnat de France, sûrement. En tout cas, voilà. Mais pour l'instant, que ce soit en ERC ou en WRC, il n'a pas vraiment de programme défini. L'an dernier, il était très aidé par la Fédé, qui pour l'instant n'a pas remis la main à la patte. C'est plutôt Stellantis qui l'a aidé sur ce rallye-là. On dit, j'ai aussi compris que c'était la dernière C3. Alors, c'était peut-être la dernière. Mais ils passeraient tous en Lancia déjà ? Écoute, ça me paraît très étonnant quand même. De toute façon, on va pas se mentir, hein, c'est la même voiture. Non, mais oui, non, mais évidemment, c'est la même voiture. Mais bon, on a vu quand même que l'ancien, elle marchait bien, tu vois. Quand même, bon, ils ont montré que ça a bien progressé, quoi. Mais bon, voilà, je pense quand même que. J'espère que cette victoire au Monte Carlo va permettre à la FFSA de remettre un petit coup quand même, parce que mine de rien, Léo Rossel, il peut aller jouer un titre, hein, je pense. On rappelle que c'est un champion, il suffit de sélectionner cette rallye, tu n'en fais donc pas énormément. Il peut prendre les plus proches. Hein. C'est ça, il peut prendre les Européens. L'an dernier, en Europe centrale, il passe vraiment un souffle de la victoire. Donc là, il l'a eu, sa première victoire mondiale. En plus, ça souffrait d'aucune contestation possible. Son frère a marqué 2 points. Avec l'ancien, puisqu'il est quand même revenu, il a fait des scratchs et tout, mais enfin des meilleurs temps en WRC2. Mais bon, il marque que 2 points. Griasi ne marque pas beaucoup de points non plus. C'est un peu les deux favoris pour le classement. Solberg est plus là. Bon, il y a peut-être un truc à jouer, quoi. Potentiellement, Léo Rossel qui finit champion du monde de WRC2, c'est pas complètement impossible. Donc, faut espérer qu'il puisse au moins disputer ses 7 rallyes. Voilà. Et après, on verra ce qu'il en sera. Mais c'était formidable. On dit la bataille rallye 1, Rossel et Drapa en rallye 3. Non, c'est Drapa en rallye 2. C'est pas lui. On en parlera tout à l'heure, mais c'est pas lui. Le rallye 3 taré, là. Roberto Drapa, il a été très bon en WRC2, là aussi, pour le coup. Mais il a une Skoda, lui, comme la moitié du peloton, évidemment. Hein, vous en faites pas. Tout le monde roule en Skoda et tout le monde est très content. Même si je dis ça. Bah oui, tu confonds les Italiens, Johan, oui. mais si je dis ça, les trois premiers en WRC2, c'est 3 marques différentes, quand même. Entre Citroën, Skoda et Hyundai, ça, c'est pas mal. On rappelle que ces Rally 2, certaines, serviront de base pour des WRC l'an prochain. Certainement. Parce que pour l'instant, je rappelle que la seule voiture qu'on a en WRC, c'est la Project Rally 1. Hein, donc, il va falloir s'y mettre, hein, clairement, mais il y aura des équivalences en principe. Officiellement, un projet annoncé. Ira-t-il à son terme ? Ça. Oui, en plus, oui, alors ça, voilà, ça, c'est pas. C'est, voilà, ça, bon, après, l'avantage, c'est que c'est le principe d'une silhouette maintenant, hein, le WRC. Donc, ça a moyen de fonctionner assez bien. Mais bon, on verra. On n'a pas de constructeur. Enfin, si, on n'a pas de constructeur. Toyota, disons, n'est pas engagé officiellement, mais enfin, ils se murmurent quand même qu'ils sont en train de la tester, leur nouvelle voiture, donc ils devraient rester. On est comment avec les championnats FIA, là ? Parce qu'un mois avant le début de la F1, le règlement était plus ou ça. Là, à un an, des nouvelles bagnoles, on ne sait pas trop s'il faut mettre des longerons, des châssis tubulaires ou autre. Alors, mais là, le rallye, c'est très compliqué. Enfin, je rappelle que pour l'instant, ils partent quand même sur l'idée de faire une BOP, de ce qu'on comprend, avec les rallyes 2, parce que comme ça, au moins, ça va faire du monde. Hein. Mais ce serait bien. Tu prends tout le peloton rallye 2 qu'on a là et tu dis qu'ils peuvent tous jouer le général, ben, c'est sympa, moi j'aime bien. C'est... Voilà, et puis, comme on l'a souvent évoqué, oui, bah, est-ce qu'on est obligé d'avoir des rallyes 1 qui vont super vite ? Moi, je trouve que les rallyes 2, ça passe suffisamment fort pour être, ouais. Pour être impressionnant, donc il n'y a pas besoin... Franchement, quand vous avez le championnat ERC, pas dégueulasse. Ben oui, c'est derrière eux. Voilà, c'est exactement le même débat que lors du Dakar. Franchement, moi personnellement, on met des stocks, ça me va. Oui, il n'y a pas de. Oui. tu mets des stocks et tu les fais se battre contre des SSV parce que voilà, comme ça t'as le côté buggy un peu comme à l'époque avec avec Schlesser et t'es très content. Le truc c'est que, micro parenthèse pardon, mais les stocks aujourd'hui ont la difficulté de s'enliser selon les parcours et la navigation que les ultimates. Oui, que les ultimates n'ont presque pas. Ah bah tu peux pas te tanker avec un ultimate, c'est aujourd'hui quasiment impossible. C'est ça, c'est ce que je veux te dire, on en a vu combien sortir les pelles pour sortir un Dacia ou un Raptor. Ah mais ça n'existe plus. Ton pneu il est grand comme c'est pas permis, ta garde au sol elle est gigantesque, t'imagines Pardon, mais on a un peu perdu l'âme du Dakar entre guillemets. Moi je veux bien qu'on aille rouler un peu partout, aucun souci. Du rallye raid, du sable, machin, ben, si tu ne peux pas t'enliser dans du sable, On s'en fout. Ah, c'est bon bien, ça c'est sûr. C'est les tracteurs turbo. Mais c'est ça, non, mais de toute façon, c'est de la folie, les trucs de Dakar. Donc là, espérons que le rallye ne fasse pas encore des voitures ultra rapides, machin et tout, on s'en fout. Ça, Allez, ça va arriver. Je pense que les gens vont commencer à arriver là-dessus. Voilà. On va réussir à changer un petit peu l'état d'esprit et on va commencer à revenir vers des voitures moins rapides, des machins. Et les F1, ça commence bien. Elles vont plus vite en ligne droite, elles vont moins vite en virage. C'est très bien. C'est tout ce qu'il faut. Voilà. Faut continuer comme ça maintenant. Let's go. Ce serait très très bien. Et au moins, les nouvelles voitures seront utilisées par tout le monde dans les rallyes régionaux et nationaux. Alors oui, félicitations. J'espère, mais encore une fois, le problème, c'est que la FIA a quand même la fâcheuse habitude ces derniers temps de prendre une réglementation à peu près existante et de dire oui mais pour le championnat du monde ça sera différent. Je rappelle que tu prends une GT3 du WEC ou une GT3 des championnats SRO, c'est pas la même. Alors c'est la même voiture globalement, tu changes les paires, fais un kit, mais c'est, voilà, tu peux pas rouler exactement avec la même voiture dans les deux championnats, donc c'est un peu plus chiant. Major Mec qui dit sinon c'était normal que les écarts du Monte Carlo soient plus grands que ceux du Dakar, mais c'est pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Comme au Dakar ils roulent tous à fond tout le temps, bah forcément ça fait des écarts réduits. Là au Monte Carlo ils étaient sur des œufs, bah forcément ça a augmenté les écarts. J'ai pas tous suivi le débat, vous voulez des ultimates au Monte Carlo, mais oui! Parce que leur Turini, machin. Et des camions. Voilà. Mais voilà, leur Turini, machin et tout. Mais si tu pouvais passer directement et couper au milieu, de prendre les 50 épingles, ce serait pas plus mal. Hein. Alors, on a déjà eu une victoire en mondial des rallyes, parce que le mondial, c'est officiellement 73. Et avant ça, on avait des épreuves internationales qui faisaient office de catégorie supérieure du rallye. Donc, en 72, il y a un rallye américain qui donc faisait partie des rallyes internationaux, qui a été remporté par, alors, beaucoup ne vont pas savoir ce que c'est, qui a été remporté par une Jeep Wagoneer. C'est une espèce de SUV break, si vous visualisez le bordel. Voilà. Donc, un gros SUV a déjà remporté une épreuve du ANTWRC. Ça, c'est quand même assez fort, ça. Un petit DAF double cap sur les spéciales pas classées, ça ferait fond d'armes. Mais oui, mais voilà. En drift tout le long, là. Encore une fois, demandez-nous quand vous savez pas le rallye. Enfin, c'est... Ah, si on était à la tête de la FIA, je te garantis que le sport auto se porterait bien. Hein. Je te mets l'image, si tu veux, dans le chat Twitter, si tu veux. Vas-y, mets-le même directement dans le chat sur Twitch et on fera suivre. Ah, mais je peux sur Twitch. Bah, tu peux, oui. Camille a pris PD pour un pointage en retard, il a tapé dans le dernier virage de l'avant-dernier spatial. Ah, c'est pour ça, du coup, qu'il a pointé en retard, d'accord. Mais oui, parce qu'on n'avait pas eu la réponse au moment où on faisait le live. Du rallye, ouais, ça c'est dommage, mais ça après oui c'est le risque hein, quand enfin voilà vraiment le Monte Carlo cette année était compliqué, donc et c'est ce qui fait aussi le charme de cette épreuve, parce que si elle est toujours facile, bon Dieu, la photo est abominable. Pourquoi il est sponsorisé par Moby Dick? Oui, le sponsor est... je peux pas vous la montrer, mais c'est affreux, sachez-le. Voilà. Attendez, je peux, oh là là, et bienvenue en 1982 là. Voilà, si je prends mon téléphone et que je fais ça, et là, hop, et comme ceci, mais pourquoi ça marche pas sur Twitter? Pourquoi je peux pas retourner mon téléphone et ça le met en horizontal? Merde, à la fin. Enfin, bref, voilà à quoi ça ressemble, quoi. Voilà. Bon, c'est sympa, hein, voilà. Et ça, ça gagne un rallye de championnat du monde, entre guillemets. Félicie, il y a plus moi de confiance. Vas-y, Axel. C'est-à-dire, je trouve cette caisse magnifique. En stock, je la trouve super belle. Oui, non, mais ça marche bien, c'est cool. Mais... je trouve ça incroyable. Il n'y a plus de course moto sur glace depuis la fin du Trophée Andros. Félicis, bah, je suis pas sûr. Hein. Bah non, si. Après, sinon, tu as le Speedway en Suède. Mais c'est vrai que oui. On souhaite du coup, oui, sur toute l'année, s'il faut des courses toute l'année, de toute façon, entre octobre et avril, bon, bah, c'est sur de la neige. Après, c'est bon, c'est sur de la terre. Mais voilà, mais en tout cas, très joli ce Monte Carlo. Ça, j'avoue que j'ai beaucoup aimé le suivre et ça fait plaisir de voir avoir une saison qui commence comme ça. Espérons que ça va se poursuivre dès le Rallye de Suède en février. S'il y a plus de neige au Monte Carlo qu'au Rallye de Suède, là, ce sera embêtant. Mais bon, c'est pas nous qui décidons. Hein, très clairement, on n'est pas à l'abri. Il y avait les 24 heures de Daytona aussi ce week-end. Alors là, autant vous dire que non, on n'a pas regardé les 24 heures. De toute façon, il y en a eu 7 sous drapeau jaune parce qu'il y avait du brouillard. Donc déjà, vous n'avez pas raté grand-chose. Porsche, là encore, remporté avec la numéro 7. Voilà, ça fait juste 3 ans de suite. Philippe Nasser, il commence à avoir une collection de Rolex qui est assez imposante. Merci Louis pour l'abonnement, c'est très gentil. Merci Louloubus et merci Monsieur Bulix aussi, au fait, parce que je suis quand même très gentil de regarder tout ça. Et vous êtes surtout très gentil de vous abonner, c'est adorable. Pourquoi ils ont organisé les 24 heures de Daytona Nürburgring, c'est exactement ce que disait Julien de Lauer, qui a gagné avec Philippe Nasser et Laurine Heinrich, pardon, au classement général. Heinrich, un posté. Bon, voilà, évidemment, hein, ça c'est la blague que l'on fait tous tout le temps. Attendant, maintenant il a gagné une Rolex, mais c'était encore une fois sympa. Ça s'est joué à pas grand chose à la fin avec Jack Aitken dans la Cadillac, toujours hein, la bagarre qui se joue comme ça dans les dernières minutes. Et Julien de Lauer m'a fait mourir de rire quand il a expliqué. Il jouait littéralement au jeu qui suis-je. Enfin, tu sais, le jeu où tu mets un post-it et tu dois deviner qui t'es. Ils ont joué à ça à la radio parce que sinon ils s'endormaient. Ah ouais. Ah oui. Ah ben tu roules à 100 à l'heure pendant. Il y a des mecs, ils ont fait tout leur relais. Drapeau jaune. Tout leur relais sous safety car quand même. Hein. Ouais. De nuit. Oh là, horrible. Ah ben, de nuit, sous le brouillard à 100 à l'heure. Eh ben putain. Et donc ils avaient mis même sur Twitter, ils avaient mis le truc. Est-ce que je suis un garçon? Non. Ah, est-ce que je suis vivant? Oui. Est-ce que je suis vraiment? Ils faisaient leur jeu avec ces ingénieurs. Et Gazo est en train de mourir. Non, pas du tout. Ah non. Non, je suis justement en train de m'imaginer la détresse dans le cockpit pendant 7 heures. Là. Ah ben c'était pareil au Mans en 2024. Hein. Jean-Yves Vergne, il y a la radio, mais mettez de la musique ou quelque chose parce que je vais dormir. Donc démerdez-vous. Mais c'était. Ils auraient pu aussi jouer à qu'est-ce que je vois? Je pense à un truc vert. Drapeau vert? Non. Non. Pense à un truc qui clignote. La safety car, oui, depuis 5 heures. C'est, voilà, à un moment donné, les mecs auraient livré des marchandises, ils auraient été plus vite, ils auraient peut-être gagné plus. Mais oui, mais voilà. Après, bon, sachez qu'on le sait très bien ici, quand on fait du camion, on peut vite perdre de l'argent. Hein, attention. C'est pas... Alors, ça me fait penser à cette exceptionnelle anecdote de Daytona 77, où une Porsche... Heywood, je crois, a gagné l'épreuve, mais c'est surtout le nom de l'écurie qui me fait mourir de rire, et ça fait un écho avec cette année, c'était Team L'Escargot. L'écurie s'appelait Team L'Escargot. Mais alors, peut-être qu'un escargot aurait gagné. S'ils avaient remporté cette année, ça aurait été... un truc qui clignote, pas un pied de BMW. Je rappelle que BMW ne pourra plus venir en F1 maintenant. Eh oui, il y a des clignotants. Ils ont ajouté des clignotants sur les F1, donc ça, c'est absolument impossible. Bon, la BM, en soi, qui était en plus pas si mauvaise hein, ce week-end à Daytona, mais bon, c'était leur première avec la nouvelle voiture, donc pas si simple. On va quand même vous dire qu'il s'est passé dans une autre catégorie. Gazou, c'était bien comme course Ben, hormis l'interruption, oui, c'était bien. La BOP est discutable. Oui, voilà, un petit peu. Hein, c'est pas le A. C'était bien. De toute façon, le A a regardé toute la course, enfin toute la partie intéressante de la course. Ouais, comme d'habitude, comme tous les ans, la dernière heure. Voilà. Non, franchement, en plus la dernière heure, elle était bien parce que pour le coup, on a vraiment eu des bagarres pour la victoire. C'était vraiment hyper serré. Hein. Je pensais vraiment que ça allait finir en passe d'armes à l'américaine où tout le monde se rentre dedans juste pour gagner. On n'en était pas loin à certains moments quand même. En GTD, ils se sont fait plaisir. En GTD, c'était des bourres. Hein. Franchement, ils sont allés. Hein. Ça, on pouvait que s'y attendre. Alors, je disais, BMW, ils font quand même podium hein, avec la numéro 24. Donc, bon, en plus, voilà, ils font podium pour la première course. Et ils gagnent en GTD Pro. Exactement. En LMP2, victoire du CrossTrike Racing by APR, donc c'est Malte Jacobsen, George Kurtz, qui est, on rappelle, le patron de CrossTrike, Alex Quinn et Toby Sauvery. À noter que cette voiture, quand même, elle était en tête à queue au premier virage de la course. Parce que le départ en LMP2, il fut calamiteux. Et ils ont quand même gagné devant Inter-Europol, les deux voitures d'Inter-Europol qui ont terminé deuxième et troisième, donc avec Ton Dillman notamment dans la 43 qui fit deuxième, le pilote français. En GTD Pro, donc la victoire de la BMW du Paul Meyer Racing, couleur de Philippi, Dan Harper, Max S et Neil Verhagen qui l'emporte avec quelques secondes d'avance sur la Mercedes de ça me déçoit qu'ils aient pas gagné la Mercedes de Maro Engel, Kenny Abul, certes, mais de Chaz Mostert et Will Power surtout. Merde, ça aurait été marrant que Will Power gagne dès sa première participation. Et en GTD tout court, victoire de Mercedes, Lucas Auer, Indin Dontcheu, Philippe Ellis et Russell Ward. Philippe Ellis qui s'est imposé après une bagarre de malade mental avec Niki Tim en fin de course, où ça s'est percuté, ça a failli partir en tête à queue dans le banking et tout, c'était magnifique à regarder. Et donc victoire de Mercedes devant Aston Martin, avec deux Aston Martin qui finissent 2 et 3. Hormis en LMP2, les trois autres catégories, GTD, GTD Pro et GTP, ont été remportées par des constructeurs allemands. Oui, mais pas mal, non, c'est allemand. Marche pas. Xoen, c'est normal de lancer les GT au départ avec les trois LMP2 en vrac au premier âge, j'ai trouvé ça pas propre. Mais tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est... Déjà, soyons honnêtes, le fait que on fasse des départs pas en même temps entre LMP, enfin entre GTP et GT, c'est déjà sympa. Mais là, tu les lances, voilà, bon, bah, ils sont en premier virage, ils font attention. Faut le coursier l'eau direct. Bah ouais, mais bon, faut le coursier l'eau avant même que les mecs soient arrivés au départ de la course, c'est dommage. Ce serait embêtant. Donc non, après, voilà, hein, c'est le risque. Ils ont fait un strike devant. Je crois qu'il y a une BMW qui finit complètement en vrac aussi au troisième virage. Qui a fait la tondeuse. Voilà, bon, bah, le départ là, était... Ils étaient chauds bouillants, voilà. Et tu refais un départ de par deux. Oui, non, mais l'Axoan, en fait, ça veut dire que tu prends le règlement, tu torches le cul avec, et puis tu le déplies. Donc, c'est... Voilà, c'est un peu... Je pense pas que tu puisses... Parce que, dans ce cas, tu refais un départ de par deux. Tu fais le départ de par deux que pour les GT? Et les GTP, on fait quoi? Et donc, du coup, les GTP qui se retrouvent derrière les GT parce qu'elles sont partout à tête avec eux... Elles repartent derrière, mais devant, elles ont des GT qui partent côte à côte, et tout devant, les mecs... C'est trop bizarre, ça peut pas marcher. J'applique le principe F1. Mais tu peux pas faire drapeau rouge et puis relancer la course alors qu'ils viennent de se cracher... Enfin, il y a juste un tête à queue dans le premier virage, en gros, c'est même pas un carnage monumental. Donc voilà, ça me paraît étonnant. Salut Skyline, ça fait un bail, j'espère que tu vas bien. Mais voilà, je pense... Honnêtement, j'ai pas trouvé ça... pas trouvé ça choquant. Puis imagine, tu mets drapeau rouge entre guillemets sur ce départ-là, et au départ suivant, t'en as deux qui s'accrochent, t'es obligé de remettre drapeau rouge, machin. C'est compliqué, quoi. Ça devient compliqué. Donc moi, je trouvais qu'ils ont pas spécialement mal géré, voilà. Tu les préviens à la radio, tu dis que c'est le carnage devant, ils font attention. Après, encore une fois, hein, les mecs qui sont dans les voitures, les mecs et les femmes qui sont dans les voitures, ils ont un cerveau, hein, donc si t'es prêt à tout risquer... Au départ d'une course de 24 heures, alors que tu sais très bien qu'en GT, en IMSA, le seul objectif c'est de rester dans le tour du leader pour te refoutre à la queue dans les deux dernières heures. Bon, bah si t'es prêt à tout risquer au premier tour, c'est ça ton combat. Là, c'est ça ton combat. Bah voilà. Est-ce que finalement c'est pas mérité que tu te retrouves déglingué au premier virage dans ce cas-là? Voilà, c'est un peu dommage. Bon, en plus, en LMP2, ça n'a pas empêché la voiture impliquée de gagner. Détonnage, j'ai eu un dodo stratégique, je m'endors au brouillard, je me réveille au lever du brouillard. Ça, c'était formidable. Moi, je salue mon collègue qui était sur place, qui est parti se coucher et qui est revenu le lendemain matin. Il n'a rien raté. Donc voilà, ça c'est voilà, chapeau. Mais on avait tous, on avait une bonne partie des médias, on avait fait pareil aux 24 heures du Mans de Vienne 4. Hein, on est parti se coucher sous safety car, on est revenu sous safety car. Comme ça, au moins, voilà, on a pu tous un petit peu dormir. C'était très bien. C'était une très bonne chose. Après, encore une fois, les 24 heures de Daytona, est-ce qu'il faut vraiment les faire en janvier? Je ne sais pas. Enfin, rassurez-vous, on parlera météo tout à l'heure. Ça peut encore s'annoncer très bien aux États-Unis ce week-end sur d'autres courses. Vous verrez qu'on peut potentiellement bien rigoler aussi si tant est que les courses ont lieu. Il y avait des essais. Il y a toujours des essais de Formule 1, mais ça continue demain, mais il y avait déjà les 4 premiers jours. Alors, désolé, on va pas vous dire les résultats, les machins et tout, parce que ça, c'est déjà, des résultats sortent, mais c'est compliqué d'en juger exactement la véracité. Enfin, il y a pas de... Enfin, est-ce que le site de la F1 met des résultats tous les jours? Ça, c'est ma question. Je suis pas sûr. Déjà qu'ils font n'importe quoi. Même pas, ouais, je sais qu'il y a eu des loupés avec le live timing ou des trucs comme ça. Bah, ils avaient mis, en fait, quelqu'un avait réussi, enfin, ils avaient réussi à toujours avoir le live timing, mais du coup, à un moment, ils ont dit, bah non, mais en fait, vous êtes pas censé. Cassez-vous. on l'annule. Disons que 2 heures après que tout le monde ait vu le lien sur Twitter, bon. Ils ont dit, bah non. c'est pas rigolo. Mais voilà, vous n'êtes pas des vrais journalistes, c'est de votre boulot. Mais vous verrez qu'on a fait des émules déjà tout à l'heure quand on vous en parlera. Donc voilà, hein, point. Mais ils mettent pas les résultats à la fin des highlights. Non, mais les highlights, putain, mais. Et on en parlera dans une autre catégorie. La Red Bull a eu un petit souci. Mais la Red Bull, elle a fini dans le mur, frérot. Le bruit que ça a fait. Ah, bah ça, écoute, hein. C'est ça la nouvelle Formule 1, monsieur. Ça fait du bruit quand ça tape. C'est comme ça. Non, mais le principal truc qu'on puisse dire, déjà, ça c'est une bonne chose, les voitures sont fiables. Parce que, bon, rappelez-vous des essais. En 2014, c'était un naufrage absolu. Là, bah, les voitures roulent normalement, en fait. Et je pense aussi que c'est peut-être un peu pour ça que la F1, ils mettent plein de contenu et tout, parce qu'ils se disent, bah, finalement, c'est pas un désastre. Ouais, donc on peut diffuser. J'ai peur que ça entache l'image s'il y a beaucoup de soucis. Peut-être. Ouais. Alors que là, franchement, on dit il y a Aston et Audi qui galèrent. Bah Aston, ils galèrent, ils ont roulé aujourd'hui. Ils ont fait leur shakedown, demain ils vont rouler. C'est demain qu'on saura si Aston est en galère ou pas. Si demain Aston ils font 12 tours avec la voiture, oui, là c'est inquiétant. Toujours moins inquiétant que Williams, vous me direz. Ça, au moins c'est l'avantage. Ah oui, c'est sûr. Donc ils ont fait leur vrai shakedown qu'ils auraient dû faire à Silverstone. Bon, voilà. Non mais Williams, par contre, c'est enfin. Oh. Ah oui. Parce que ce qu'il raconte en plus, moi c'était. Je crois qu'il y a apparemment donc James Walls a réfuté la rumeur comme quoi la voiture serait 20 ou 30 kilos trop lourde, en disant le seul moyen. Enfin, on ne peut pas dire que c'est vrai ou non puisque on ne peut pas savoir quel est le poids de la voiture tant qu'elle n'a pas été assemblée. Et là, je regarde le calendrier, je vois que nous sommes le 29 janvier. Je dis, bah, ça va pas être assemblée la voiture. Parce que je veux bien être très gentil, mais enfin, les autres, ils ont fait. C'est littéralement la Williams de Schrödinger. Les mecs, ils ont perdu la pochette Ikea de vis, là, et ils sont dans la merde. Les mecs ont fait 1200 bornes avec leur voiture, la Williams, ça n'est pas assemblée. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, après tout, hein, moi, il n'y a pas de problème, hein, c'est très bien. Puis quand il y aura un Grand Prix d'Australie, ils ne seront pas encore dans l'avion, peut-être, je ne sais pas, je me pose des questions. Mais ce serait assez fou. J'ai ouï dire qu'Alpine était au poids, mais c'est possible. Mais voilà, c'est possible. Et de ce que j'ai compris, l'Alpine et potentiellement l'Audi aussi serait un peu au poids. Audi, ce serait pas la première fois parce que Sauber avait réussi le coup en 2022. C'était les seuls qui étaient arrivés au poids minimum. Au poids minimum, tout à fait. Mais les voitures sont plutôt fiables. Elles sont plutôt jolies. Soyons quand même honnêtes. Elles sont vraiment très très belles. Alors. Et comme on disait la semaine dernière, et disait Gazou notamment. Là, quand même si on a réduit de quelques centimètres, quand tu regardes visuellement, tu as l'impression qu'elles sont minuscules. Je croyais que Gazou allait rebondir dessus pendant que je mangeais ma chaise. Ah oui, pas du tout. Non, je voulais dire surtout la livrée de l'Alpine, le bleu et le rose, mais ça tabasse vraiment. Quoi. Je crois que c'est la plus belle. Mmh. Ça réduit les lignes, c'est sympa. Maintenant, la livrée de la Ferrari, c'est un banger. Hein. T'as quoi, la livrée de la Ferrari? Ouais, elle est très bien. Oui. Oui. Très très bien, la Ferrari. Oui. Elles ont changé le rouge déjà. Bah oui, et même j'ai répondu non gazou, d'accord. Donc on n'a même plus le droit d'avoir des avis ici maintenant, en fait. Okay. De quoi, l'Alpine est moche, non? La Haas, oui, elle est bien, mais c'est... trop blanc, j'aime pas. J'aime pas trop. Ah, moi j'aime bien. La Haas, elle est bien parce que c'est comment dire, c'est une Allemande, quoi. C'est... une BM, une Mercedes, tu te dis ok c'est beau mais on ne s'attendait pas à un effet waouh. C'est-à-dire que l'Alpine elle pouvait être vraiment dégueulasse alors qu'elle n'était pas. On salue la phrase là, c'est très bien, c'est une Allemande, on rappelle que c'est une équipe américaine soutenue par des Japonais, hein. Il n'y a rien qui va. Là, c'est Cologne. Là tu nous as pris tous les méchants de taxi, t'as fait un melting pot quoi, il n'y a pas de... Toyota c'est Cologne, c'est l'Allemagne. Quoi. La Red Bull banger, non mais la Red Bull elle est géniale. Ça pour le coup la Red Bull elle est absolument magnifique. Il y a tout ce qu'il faut. La Mercedes, elle est jolie aussi. Et puis la Mercedes, elle est rapide en plus. Même si, encore une fois, il ne faut pas trop en démontrer. Mais ça, c'est ce qui est important. Elles sont largement plus rapides que des Formules 2. On va déjà 7 secondes plus vite que la pole de F2. Donc ça, là, il ne fallait pas s'inquiéter. C'est très bien, ça. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, enfin, qui m'intrigue, c'est la McLaren. L'aileron avant, elle est extrêmement braquée. Donc ça, c'est étonnant par rapport aux autres, justement, qui ont l'air beaucoup moins imposant. Braqué ou incurvé, tu veux dire? C'est braqué. On a vraiment l'impression, quand tu regardes de face, on dirait qu'ils sont vraiment... C'est un mur, ouais, c'est un mur. Ouais. Non, parce que pour le coup, il est assez plat. C'est l'Alpine qui est très spoon, en fait. Mais le... Oui, la McLaren, le primaire est plutôt plat. Par contre, c'est un mur après. Ouais. Le truc que j'ai vu qui est intéressant, c'est que tu as certaines équipes qui ont le... Je ne sais plus exactement lesquelles, hein, mais qui ont les deux flaps supérieurs qui se baissent sur les ronds avant, et certaines équipes qui n'ont qu'un seul. Et donc ça, bon, voilà, c'est, ça veut dire qu'il y aura peut-être le moyen de jouer un peu avec ces ailerons-là, parce que peut-être que sur certains circuits, si tu es un petit peu moins braqué devant, tu ne peux baisser que le dessus de l'aileron, et à Monaco, on va baisser les deux flaps parce que tu vas devoir les incliner beaucoup plus. Donc ça, ça peut être vraiment sympa. Est-ce que le développement de la voiture de l'année suivante est compris dans le budget cap FD6? Oui, normalement oui, parce qu'en gros, les dépenses budgétaires concernent ce que tu dépenses à l'instant T. C'est-à-dire que si tu commences si tu commences à dire oui, mais ça, j'ai développé la voiture de l'an prochain, donc c'est le budget cap de l'an prochain, machin, ce serait trop compliqué à gérer. Et par exemple, tu pourrais donc pas dire un tel a réussi à correspondre au budget cap, sachant qu'il a déjà dépensé de l'argent pour l'année prochaine, machin, ce serait vraiment un bordel. Donc non, le budget capé, c'est que tu as le droit de dépenser tant d'argent sur une année, du 1er janvier au 31 décembre, dans les cases édictées par règlement. Donc si c'est du marketing, ça compte pas, les trois salaires les plus imposants, ça compte pas, ainsi de suite, mais sinon, toutes les autres dépenses, voilà, c'est si tu as le droit à tes 120 ou 130 millions... que tu développes un aileron avant pour la nouvelle voiture ou la voiture actuelle, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Alors, MMG, on dit la 526 c'est un concept original pour l'aileron arrière, il joue sur le changement d'angle sur l'arrière de l'aileron et pas sur l'avant. En fait, quelqu'un a dit ça, et donc effectivement, pour que vous compreniez, allez, attention, on va ressortir la voiture en Lego, parce que c'est pas drôle sinon. Mais en fait, alors, moi j'ai vu ça, mais de ce que j'ai compris, c'est pas que Alpine, en fait, c'est tout le monde. C'est de ce que j'ai cru voir, en tout cas, sur les images, notamment de la Ferrari, c'est que donc, effectivement, le DRS, on rappelle, toujours très bien de le montrer avec une voiture qui n'avait absolument pas le DRS, bien évidemment, c'est très compréhensible pour tout le monde. Mais le DRS, en gros, ça faisait ça. C'est-à-dire que tu avais... cet aileron est pratique parce qu'il permet de vous montrer les deux modes en même temps. Attention, je me mets en grand, promis. Mais en fait... Si tu veux, cet aileron-là, c'est un peu un mix entre le DRS de l'époque. Le DRS faisait que c'était cette partie-là qui s'ouvrait. Vous voyez? C'est en fait la partie supérieure restée au même endroit, et c'est le bas de l'aileron qui s'ouvrait comme ça. Mais l'aérodynamique active, sur l'Alpine, mais je l'ai aussi vu, il me semble, sur la Ferrari, et je pense que ça va être comme ça chez tout le monde, c'est en fait le haut de l'aileron qui se baisse. Un peu comme ça, finalement. Vous voyez? Et donc, en fait, c'est juste la manière de réduire la traînée qui est différente. Mais il m'a semblé avoir déjà vu ça sur la Ferrari, lors de son test à Fiorano. Tu ne crées plus un sandwich d'air, mais au contraire, tu affaisses l'aileron. C'est qu'au lieu, en gros, t'as tes deux, au lieu que ça fasse un trou entre les deux, c'est le flap supérieur qui se baisse pour vraiment... Et c'est le même système sur les ailerons avant. Les ailerons avant se baissent avec ce système-là. Voilà, en gros, exactement, il manquait des bruitages. Tu sais ce qui manquait? Les petits bruitages, c'est vrai, pas pardon. Sorcier quand tu le retournais. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Comme ça, vous avez globalement l'idée. Sur l'avant, je peux pas le faire, hein, je suis désolé. Lego, pas bien, hein, vous devriez devriez vous y mettre. Oui, il faut ma sucette flûte, mais il faut que j'en rachète. Ah, c'est pour ça qu'il nous faut Tahiti Mel. C'est vrai, Gazouille, on peut... Voilà, ça aurait bien fonctionné. Mais ça, voilà, ça j'aime bien, hein, les ailerons, machin. Alors, j'ai vu, on n'a pas eu encore de problème d'aileron dans les virages. Mais, encore une fois, ça va le faire. Hein. Le DRS, on a eu en 10 ans, on a eu deux problèmes. Hein, donc ça va, c'est pas trois problèmes. Ça va, hein, ça va le faire, vous en faites pas. Si c'était de la vraie aérodynamique active, c'est-à-dire qu'il se gérait toute seule, là oui, ce serait une catastrophe, mais là, c'est encore des boutons, des machins, ça va. C'est pas très embêtant. Je ne sais pas si vous aviez vu quelques années de ça maintenant, c'était sur un circuit, je ne sais plus lequel, Barcelone peut-être, ou non, peut-être Dubaï, je ne sais plus. Il y avait cette supercar avec un aileron arrière qui s'inclinait en fonction des virages. Mais il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Ah ouais? Ouais, bah tu remarqueras le... T'as la Bugatti, l'aileron se met, la Bugatti aileron, quand tu mets la clé pour aller plus vite, l'aileron se met pour pouvoir justement stabiliser au-dessus d'une certaine vitesse. Là, c'est un aileron qui montait, qui prenait plus d'appui. Mais là, il y avait une vraie supercar qui, dans les virages, justement, l'aileron allait à l'angle opposé pour avoir plus d'appui. Je me demande si c'est la SVJ ou la McLaren P1. Bah, écoutez, peut-être. Hein, voilà, hein, sûrement. Nous, on est des fans de sport auto ici, mesdames, messieurs. Voilà. A déjà un crash sans conséquence. Bah non, pas sans conséquence, parce qu'ils n'ont pas de pièces. Hein, c'est le problème de cracher dans les essais libres. Enfin, les essais privés, pardon. C'est que t'as en peu plus, de pièces. Ça a bien tapé. Hein. Ouais, il a bien tapé l'arrière quand même. Hein. Il a pas fait semblant. L'Aston, moi, elle m'intrigue quand même un peu, là, parce qu'on l'a vu en piste, là, enfin. Elle m'intrigue. Dans quel sens? Même de l'Aston Martin avec inverser les ailerons, je... Oui, ça c'est incroyable. Non, mais elle m'intrigue dans le sens où effectivement, je pense qu'il y a, en fait, il y a des partis pris qui sont différents des autres. Et ça, encore une fois, ça fait du bien, bon sang. Mais tout le monde est parti un peu sur des idées différentes et ça, c'est quand même génial. Les pontons, c'est une GP2, on est en 2006. Après, de toute façon, c'est ça arrive à chaque changement de réglementation quasiment, c'est que chacun fait son petit truc. Et la voiture qui va fonctionner, et ben l'an prochain, tout le monde fera la même chose. C'est de savoir qui va être copié. Oui. C'est ça, en fait, qui fait le bon truc. Qui on va copier. Mais là, le problème, par exemple, et en fait, avec ses moteurs, imagine, peut-être que l'Aston, c'est la meilleure voiture, mais que le moteur est catastrophique. Donc, si ça se trouve, les gens vont pas vouloir copier l'Aston, alors qu'en fait, elle sera beaucoup plus efficace sur les mains. Donc, ça va être intéressant. On a le nez. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand même on commence à voir, voilà, c'est une voiture à la New Way. T'as le nez qui est très large. Il a fait évidemment la MP418, la MP419 qui avait des nez extrêmement étroits. Mais si tu regardes la majorité de ces voitures, souvent, il a réussi à élargir le nez. Quoique, les dernières Red Bull, tac, on avait le nez un petit peu plus. Enfin, les dernières Red Bull jusqu'en 2021, on avait le nez plus ramassé. Mais voilà. Mais là, il y a quand même ce côté, ces formes, c'est assez rond. Il y a des trucs qui sortent un petit peu par rapport à la concurrence. Maintenant, il faut qu'elle puisse quand même rouler demain. Encore une fois, on rappelle que c'est très important pour Aston, c'est qu'ils arrivent à rouler ce vendredi pour aller choper les données. Mais elle m'intrigue. Tu vois, par exemple, c'est la première, je trouve, dont le nez est assez large, certes, mais surtout, il est très galbé en dessous. Il y a un vrai arrondi, il y a un travail déjà du dessous. On va voir si ça fonctionne ou pas. Après, encore une fois, si le moteur Honda est limité à 600 chevaux, on va voir la différence par rapport aux autres, mais on pourra pas dire que la voiture est incroyable, hein, clairement. Ça, ce sera le gros problème. J'espère qu'Aston pourra faire plus de tours demain parce que niveau moteur, ça sent pas bon pour Zarco et Marini. Alors que le Grand Prix de Taïwan est dans un mois. Et on a tout mélangé. On a tout fait parce que moi, je suis désolé, Alex Palou, il voit ça aujourd'hui. La défense du titre me paraît compliquée. Mais je suis d'accord, Hatchoum. La fiabilité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est surprenant et c'est très bon signe. Voilà, alors évidemment, ouais. On aimerait des Grands Prix avec la même, hein. Voilà, mais là, il y a pas mal de tours. Après, Bahreïn va aussi être un vrai test parce qu'il va faire plus chaud. Là, on a des températures, ils ont quand même roulé hier ou avant-hier, je sais plus. Non, hier, avec 2 degrés sur la piste, c'est peu, hein, si je puis me permettre, c'est peu. En fait, c'est des conditions qu'ils connaîtront jamais. Donc, c'est ça. Tu peux pas te fier forcément à ça. À part faire tourner ton moteur pour la fiabilité, tu peux le récupérer des données à 2 degrés, franchement. Oui, non, c'est sûr que c'est pas très malin. Hein. Mais là, pour l'instant, là, c'est ça. Alors après, effectivement, les moteurs en lui-même, on disait, ils vont tout se casser. Mais en fait, le moteur à combustion, c'est le même, si vous voulez. Michael, t'as des problèmes gastriques, je crois. Non, j'ai pas de problème gastrique, j'ai de l'aérophagie depuis que j'ai 5 ans, les enfants. Ça fait 7 ans qu'on fait cette émission, vous devrez être au courant quand même. Merde! J'en ai marre, moi! Mais voilà, c'est le moteur à combustion interne, c'est le même. En plus, ils ont simplifié le truc en enlevant le MGUH. Donc, voilà, tout le monde parle de fiabilité, tu pourrais peut-être plus avoir des soucis électriques que des soucis de moteur pur, en fait. Quand on dit le moteur, c'est vraiment l'ensemble. Il y a eu quelques soucis. Qui est thermique. Il y a eu quelques soucis, vous en faites pas, voilà, hein, c'est normal, certains ont eu des petits problèmes. La Cadillac roule bien aussi, hein, parce que pour le coup, ils découvrent la F1, mais il n'y a pas trop de problèmes, l'Audi pas mal non plus. Voilà, moi j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner à Bahreïn, surtout, on verra déjà aussi la dernière journée demain. On rappelle que demain, Williams ne roulera pas. Normalement, Aston fait la journée complète. Racing Bulls et Mercedes rouleront pas non plus parce qu'ils ont déjà fait leurs 3 jours. On rappelle que sur la semaine, ils n'ont droit qu'à 3 jours d'essai sur les 5. Donc voilà. Par contre, j'attends de voir les conséquences des premiers bisous en course sur les ronds avant. Mais encore une fois, je pense que ce côté c'est de l'aérodynamique active, ça a baisé la gueule de tout le monde. Faut pas voir ça comme de la magie noire. Hein. C'est le rond est juste pareil. Simplement, s'il y a contact, de toute façon, l'aileron sera effrité, il faudra le changer. Donc voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Admettons que parce que les contacts entre aileron arrière, on n'en a presque jamais vu, mais contact avant sur une roue, oui. admettons que j'ai un petit contact endommage le système de baisser de aileron, le flap, est-ce que ça coûterait plus de points de performance aérodynamique en ligne droite, par exemple, le fait de toujours rouler avec le mur actif, que un fond plat endommagé quand il perd des bouts de carbone sur un contact? Qu'est-ce qui serait le plus dommageable, en fait? Bah ça, c'est eux qui le verront avec la data en roulant. C'est ça, voilà. Il faut attendre de voir. On peut pas spéculer. Après, moi, je pense quand même que tu gagnes peut-être plus avec un aileron arrière qui se baisse qu'avec l'aileron avant, par exemple. Tu vois, l'aileron arrière, il y a plus de. Rappelez-vous quand même que dès qu'un pilote avait 10 cm de carbone pété sur le fond plat, demander d'abandonner la course parce qu'il roulait 3 secondes moins vite. C'était plus c'est énorme, 10 centimètres. Alors que aussi, le nombre de pilotes qui ont fait des courses avec un aileron empêté et que ça ne gênait pas spécialement. Voilà, non, mais ouais. 10 centimètres, c'est gigantesque aussi, vous ne vous rendez pas compte, je crois. Oui, mais le moindre. Ouais, le moindre. C'est ce que dit ma femme. Hein. S'il vous plaît. Moi, j'ai surtout peur pour les bargeboards qui vont très vers l'extérieur quand même. Bah, ils feront attention. Enfin. Après, ils sont présents, ouais. Après, voilà. Enfin, j'ai peur. Ah, soyons honnêtes, les amis, n'ayons pas peur. Et c'est des courses de voiture, après. Voilà, c'est de la course auto. Et puis, on va être honnête. Si vous me dites, il se percute, l'autre, il casse le bargeboard, ça lui fait perdre de la perf. J'ai envie de dire, tant mieux. Enfin, on veut qu'il y ait des écarts qui se créent, des machins, c'est très bien. Donc, c'est pas volontaire et que les mecs se percutent pas volontairement. C'est ça. Non, moi, par contre, ce qui m'impressionne, c'est que McLaren, c'est les seuls à avoir refait des bargeboards comme à l'époque. Parce que les autres, c'est plus simplement des rectangles, on va dire, qui vont vers l'avant. Eux, ils ont refait toute la forme qui va vers le haut aussi, donc on verra ce que ça va donner. Mais voilà, franchement, c'est pas. Ouais, je dis pas ça pour vous dans le chat, hein, mais il y a un truc global. Ah, j'ai peur de ceci. Ah là là, les pneus. Les gars, c'est des courses de voiture, hein, à un moment donné, il faut que ça. C'est, tant que c'est pas dangereux, et ça ne l'est pas. Il n'y a pas de danger de largement augmenté à cause de ça. Donc voilà, laissons-les un petit peu s'amuser. Alors c'était la Zenvo apparemment, la voiture qui change les ailerons, machin, tout ça. Oui, merci aux deux chats. Vous êtes très sympathique. Mais voilà, c'est pas si. On va se rendre compte au premier contact que le bargeboard ne sert à rien, que la voiture roule mieux sans. On rappelle que c'était ce qui est arrivé à Massa en 2010 en Espagne. Il percute une HRT, son aileron avant, pas un peu en traviole. Son ingénieur qui dit écoute, on va voir comment ça se passe, mais s'il y a besoin de rentrer, tu rentres. Il fait 2 tours, une demi-seconde plus rapide avec l'aileron avant cassé, bah c'est bon, on a compris. il n'y avait pas de soucis. Donc voilà, on va voir, on veut voir des RS 97. Mais oui, mais bien sûr, mais des Adelaide 94, mais Suzuka 90, allons-y. les éléments cassés quand il y avait en 97, quand il y avait les tours aérodynamiques, ouais. Là, les pingouins. Les pingouins, ouais. J'ai jamais compris pourquoi on appelait ça les pingouins d'ailleurs. Est-ce que c'était pas arrivé à une Sauber qu'il y en avait une arrachée, je crois, et il s'était rendu compte que finalement ça allait mieux? Oui, bah, certainement, c'est largement possible. Hein. Non, mais tu vois, c'est de la F1, voilà, c'est pas grave, hein, ils ont des trucs, ils vont se percuter et puis ce sera très bien. Par contre, on a mis dans les résultats du week-end Shakedown MotoGP, mais ça a déjà commencé? Ouais, ils ont roulé aujourd'hui. Ah ouais? Je sais pas, le MotoGP mais fait tellement bien la pub de leur truc. Ah mais oui, si, c'était le premier jour du Shakedown, tout à fait, si, t'as raison. Je me disais, j'ai vu ce matin une photo de Pedrosa notamment, donc oui, et de Toprak sur les mains aussi. Avec Espargaro qui fait le meilleur temps devant Espargaro. Allez chez Espargaro avec la Honda qui fait le meilleur temps devant Paul Espargaro sur la KTM. Bon, après, on a quand même 3 KTM qui roulent. Hein. Ça y a Pedrosa et Mika Kallio qui est toujours là. Ça fait plaisir, Mika Kallio. Bon, il prend 5 secondes, mais. Mais tu les as où les chronos? Parce que je les trouve pas. Là, je les ai trouvés. Alors, sur le MotoGP, ils les ont pas mis. Génial. Et je les ai trouvés sur Motorsport. Ah, décidément. Voilà. Le site de rumeurs, mais. Ah, c'est quand même pas avec Toprak 4e, Augusto Fernandez, Piro Savadori et Diogo Moreira en 8e place en tant que rookie. Et de toute façon, normalement, tous les comme Yama, ils ont les concessions, ils roulent tous. Hein. Mais on n'a pas encore on n'a pas encore exactement quand les autres vont rentrer, quand les autres pilotes Yama vont rouler. Mais voilà, après, il y a des gros écarts, comme on dit, c'est comme de la F1. Oui. Là, ça roule pour rouler, même s'il n'y a pas tout le côté aéro, là, c'est le shakedown, c'est pas encore les pré-tests. Là, ça sera, de toute façon, ça sera comme en Formule 1. C'est, on pourra se donner une idée quand tu auras tout le monde pendant les pré-tests. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les frères tape dur. Pilote d'essai, on rappelle, le shakedown, tu as le droit. En gros, toutes les équipes ont le droit d'aligner leur pilote d'essai. Sauf Yamaha, a le droit d'aligner ses titulaires en plus. Ouais. Voilà. Parce qu'ils ont la, ils sont catégorie D de concession, voilà. C'est ça. Ils sont nuls à chier. C'est à peu près le nom officiel de la catégorie. N'empêche, ils ont de la sacrée chatte parce qu'ils se pointent avec le V4 et tout le monde peut rouler, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Tout le monde peut enquiller les tours. Bon, voilà. Étonnant, hein. On verra ce que ça va donner. Mais bon. On en reparlera de Yamaha. Oui, Victor, même pas de Yamaha. Putain de merde. On en reparlera tout à l'heure, hein, Yamaha. Vous en faites pas. Il y a des trucs sympas à annoncer. Mais voilà, c'est assez, assez prodigieux, là, ce qui est en train de se passer en MotoGP. On en parlera tout à l'heure. On va distribuer des crackitis, évidemment, mesdames, messieurs. Non, enfin, oui, l'an prochain, les ailerons disparaissent en partie. Mais en fait, ce sera toujours pareil. Mais voilà, il va pas changer grand chose l'an prochain. Mais l'an prochain, on aura le temps de s'y intéresser. L'an prochain. Eh oui. Et ça, c'est beau, mesdames et messieurs. Méditez un petit peu, s'il vous plaît, pendant que je lance le générique des craquitos. Madame, monsieur, bonjour. Alors, le A, qui sont tes craquitos, s'il te plaît? Eh bien, rapidement, forcément, on en a parlé en début d'émission, mais le premier pour Solberg. Hein, bien pour sûr. Sa belle victoire en WRC. Le deuxième pour Russell, pour sa belle victoire en WRC2. Et puis, j'en ai quand même mis un troisième pour cette merveilleuse livrée McLaren Full Black. Qui elle est jolie. Énormément. Et de voir les photos et même là, voir rouler vraiment tout noir avec juste les petites pointes de couleur des sponsors, en plus le Mastercard et tout. Je trouve que vraiment, ça rend vraiment super bien et c'est une très belle livrée. Je tiens à vous rassurer, évidemment, ils ont présenté les combinaisons des pilotes, elles sont toutes oranges avec un tout petit peu de noir, donc rassurez-vous, la voiture sera de nouveau orange. Ah oui, elle sera. Ah oui, ça c'est sûr, mais c'est dommage. Parce elle sera bien fluo. Gazou. Sans surprise, Oliver Solberg, Arthur Pellamourgue aussi, qui nous a fait un vrai festival au Monte Carlo, qui intègre le top 10 en plus, si je ne dis pas de bêtises, 10e. En général, oui. Voilà, donc très très bien. Et pardon, c'est mon coup de cœur vraiment de ce mois-ci, la livrée alpine. C'est dingue, c'est la même que l'an dernier, en plus chiant. C'est clair. Okay, écoutez, je crois que les couleurs vont mieux à la forme de la voiture. Je ne sais pas. Il y a glow up, je suis désolé. On dirait la différence entre la McLaren de 2019 et la 2020. C'est juste, ils ont repris la même livrée, mais ils l'ont juste rendue corporate. Et Gazou adore. Ah ben c'est très bien. T'as raison. Autant, bon, l'an dernier, c'était pas dégueulasse, mais cette année, je ne sais pas, il y a un truc. Non mais ok, pas de problème. Voilà. Ok, ben, mec. Alors, sois normal, dire, mec. Arrête de sourire. Gazou, c'est le mec qui va en soirée qui commence à picoler. Et après, il trouve tout le monde joli. Ah oh, ben moi, tu sais, je suis pas difficile. Hein. Moi, mon style, c'est ceux qui sont vivants, ceux qui disent oui. Ah oui, d'accord, oui, bah oui, voilà, au moins c'est pratique. Hein, moins c'est, voilà. Ça évite les déceptions. T'as vu ma tête, est-ce que je peux imposer des quotas de... Non. Oui, mais il y a eu un choix aussi dans ta tête aussi, c'est le problème. Il y a eu choix, donc ça, c'est, oui. on peut pas juger. Moi, j'ai mis le Solberg, le Rossel, évidemment. Porsche, hein, ils ont quand même gagné. Et alors, les deux derniers, Matteo Fontana. Parce que claquer deux scratchs avec une Ford Fiesta Rally 3 au Monte Carlo, c'est pas mal quand même. Bon, aussi j'ai envie de lui mettre un merdeux vidéo parce que je faisais live. Et donc, quand tu dois revenir 45 minutes après une spéciale pour dire « Et dans la précédente, c'est une Ford Fiesta qui a gagné, hein, juste pour info », c'est très chiant. Mais lui, chapeau. Et alors, le méga craquito de la semaine, des gens ont survolé le circuit de Barcelone en avion. Ils nous ont volé notre... Alors, c'est volé nous. L'idée. C'est Est-ce qu'on peut nous. Dire Kvyat? Voilà, non, mais c'est pas nous, mais savoir qu'on a créé des émules, bravo. Moi, je ne peux dire que bravo, il fallait le faire. Mais aujourd'hui, on a vu des images depuis un avion. Et donc, j'ai trouvé ça fabuleux. Ça ne sert strictement à rien, on voit les voitures de 600 mètres de haut, machin, c'est illisible, hein. Mais c'est marrant. C'est littéralement Google Earth, mais depuis un avion. Voilà, c'était notre idée, donc très content de voir qu'on a fait des ébules. Vraiment, vraiment superbe. Et voilà, au moins ça fonctionne bien. Donc, Ça veut dire que des gens nous trouvent intelligents. Non, non, je n'irai pas jusque-là quand même, restons heureux. T'emmerde pas avec ça. Bah. Essayons de garder une pointe de réalisme quand même. Mais voilà, des gens ont en tout cas écouté ce qu'on a dit. Après, est-ce qu'ils sont assez cons pour mettre en place nos idées? Oui. Donc ça, c'était fabuleux. Nos amis de X, anciennement Twitter, qui ont mis Krakito, la Bagarelli, Steam en GTD, évidemment, Oliver Solberg, John Armstrong. Vous voyez qu'il y a John Armstrong, il a fait un bon rallye, bravo à lui. Oliver Solberg et Matteo Fontana, Oliver Solberg, Léo Rossel, le circuit de Barcelone qui a malencontreusement laissé le lifetiming interne en fonction quelques temps, c'était assez rigolo, évidemment. On avait quelqu'un qui nous avait mis curieux de connaître le thème de la chronique Malmoto de ce soir. Oui, ça m'a manqué. Moi, on n'a pas pu parler Malmoto ce soir, je suis très déçu. Oliver Solberg, les Roussel, Arthur Pellamour, le Racine Café pour être allé au bout du projet Airbus pour voir le chèque d'un. Ah, ça nous a coûté un bras, mais putain, ça valait le coup. On est très contents. Oliver Solberg, Elliot Edmondson sont copilotes également. Bien sûr, Berdolino pour les mecs qui essayent de prendre. Ah non, Berdolino, c'est tout à l'heure, Michael, enfin. Krakito pour Arthur Pellamour, ils sont pas diamants WRC2. Oliver Solberg et tous les survivants du Monte Carlo. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Là, c'était un Monte Carlo qui a tapé. Très clairement, cette année. Et puis sur Blue Sky, hein, évidemment, puisqu'on rappelle qu'il y a au moins encore 5 personnes qui sont inscrites sur Blue Sky. Solberg et Edmondson, Nasser, Handler, Heinrich qui s'impose donc à Daytona. La Cadillac 31 pour Sergio Montana. Et enfin, le pilote du Cessna pour son survol de Barcelone, parce que ça c'était quand même assez fabuleux. Krakito, double ration pour Solberg, Krakito pour Solberg. Michael Duforest pour son interview, Richard Hammond, merci. Allez la voir sur Auto Hebdo. Quand même, Richard Hammond, c'est pas rien. Enfin, c'est petit, mais c'est pas rien. Oh non, il était très gentil, sachez-le. Ça, je l'ai trouvé ça. Ah, ça a l'air d'être une crème. Ah, il était d'une gentillesse absolue. Avant tout, je pense, un énorme passionné et un puits de science incroyable. Non, il a vraiment apprécié d'être là et c'était cool de le voir à Rétromobile. C'était sympa, surtout qu'en fait, ça rentrait très bien avec son projet de Smallest Cog, qui est sa société de restauration en Grande-Bretagne. Voilà, ça fonctionne forcément très bien d'avoir ce genre de choses à Rétromobile. J'aurais juste cru qu'ils allaient exposer Oliver dans le salon, mais il est juste venu, s'est garé avec son Opel Kadett et puis voilà, c'était tout. Mais c'était marrant. Déjà à voir. Allez, les petites news. Et donc là, oui, ça parle MotoGP. Vous en faites pas, hein, c'est prévu. Rendons à motorsport.com ce qui appartient à motorsport.com tout de même, parce qu'ils nous ont sorti deux bombassos ce soir qui étaient assez fabuleux. Enfin, cette journée. Donc. En Malmoto, peut-être d'ailleurs. En Malmoto, exactement. C'est peut-être, oui, parce qu'ils n'ont pas précisé la catégorie, mais peut-être que c'est en Malmoto. Fabio Quartararo qui rejoint Honda. Enfin, qui rejoindrait Honda, parce que c'est pas officiel, évidemment. Voilà. Mais apparemment, Quartararo est signé chez Honda, et Jorge Martin, donc, chez Yamaha. Bon, le motorsport, c'est fiable, oui. Oui, sur le MotoGP, ils sont très fiables. C'est Oriol Puigdemont qui a fait l'article, et lui, il a toutes les rumeurs. Il est toujours très, très, très au courant. Donc, honnêtement, s'ils l'ont dit... C'est que c'est vrai. Tom Beaublanc a démenti. Là, il dit qu'il fasse quoi, Tom Beaublanc, qui dit oui, on l'a signé, bien sûr, mais je vais vous donner d'ailleurs le contrat, regardez le double. Non. Ouais. Non, il a dit on n'a encore rien signé. Oui, voilà. Déjà, il explique déjà qu'il discute. Et puis surtout, je vous rappelle que Thomas Hoffner avait démenti avoir signé avec Alpine. Une semaine après, il y était. Donc, bon, hein, les démentis, on sait ce que ça vaut. Certifie que je ne quitte pas Aston Martin. Je le supprime juste de ma bio. Voilà. Insta, j'ai revendu tous mes vêtements sur Vinted, mais ça ne veut pas dire que je quitte. Non, rien à voir. Wayne Rainey de retour pour remplacer Quartararo chez Yamaha, je ne l'ai pas vu venir. Ah, mais ça, le côté là. Non, chapeau, ils ont été très forts là-dessus. Non, mais là, par contre, moi, Axel, je vais demander ce que tu en penses, mais Quartararo qui nous casse les pieds depuis des années. Ah, ils font un V4 et machin. Il se barre avant même la première course, potentiellement, c'est couillu. Bah après, de toute façon, à un moment ou à un autre, ça allait casser. Je pensais que ça allait casser bien avant, mais comme ils ont aligné les billets, bah, il est resté. Hein, voilà. C'était vraiment ça. Hein. Yamaha a sorti la planche à billets pour le garder. Mais je suis vraiment très surpris, qu'on voit ces deux annonces-là péter directement. Sans que les deux aient pu rouler, alors que Martin, il est même pas sûr de rouler au pré-test, hein, parce qu'il a encore subi des opérations. Ah non, mais il est blessé, il le fait pas. Hein, c'est officiel, il le fait pas. Il fait pas le premier test, c'est pas que c'est génial. Hein, lui, donc franchement, on se retrouve avec des pilotes qui n'ont toujours pas roulé, en train déjà de discuter contrat. Alors soit Quarta est allé voir Honda et du coup Yamaha s'est dit, il faut vite qu'on sécurise un top pilote. On s'est dit, bah vu que Martin s'en lâche et qui peut la foutre à l'envers à tout le monde, on va le prendre. C'est ce qui est fort possible, hein. De toute façon, en top pilote, à part, allez, on va prendre un petit peu large, mais à part forcément Marquez, je mets toujours Pecco Bagnaia dedans, Quarta Martin, peut-être un Bezzeki. Acosta peut-être. Enfin, même s'il n'y a pas encore gagné. Ouais, mais Acosta, il a un contrat béton avec KTM et KTM ne compte pas le lâcher comme ça. Hein. Ah bah oui, tu m'étonnes, oui, donc, c'est sûr. Parce que le nombre de fois Acosta gueule sur KTM et KTM dit ouais, bah, il y a un moment, t'as peut-être qu'à rouler. Donc, ça lui a été dit. Hein. Concrètement. Ne tombe pas. Ouais, c'est ça. Ne tombe pas. Muscle ton jeu. Non, mais. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, à voir. C'est juste qu'on a à peine commencé. Il y a ces rumeurs-là. Les motos, elles sont pas encore. On les a pas vues. Mais alors, oui. Soit Quarta abandonne le projet Yamaha parce qu'il se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout. Après, il a testé à Valence hein, déjà la moto. Donc, il a pu voir. Mais je sais bien, mais de voilà. Toute façon, quand ils ont vu. C'est, qui est-ce qui a roulé avec C'est Fernandez qui avait roulé avec, et quand ils ont vu les chronos, ils se sont rendus compte que c'était nul à chier. Oui, bah c'est ça. Alors, En fait, Yamaha ne sait pas faire un V4, c'est tout. Et après, de toute façon, ils ne peuvent pas pondre un V4 en un an. Hein. C'est ça, on leur demande pas Ducati, de savoir le faire. V4, ça fait, Ducati, le V4, ça fait des années qu'ils sont dessus. Et ils ont pris des tollés pendant des années, sauf en Autriche. Hein. Et parce que le 4 en ligne était plus performant, maintenant c'est l'inverse, mais tu peux pas développer... Hein. Un V4 performant. Après, c'est surtout que c'est comme tout. C'est une alchimie. C'est le châssis. Maintenant, c'est l'aéro qui rentre en compte. C'est ton moteur. Il n'y a pas que du moteur. C'est bien mignon de demander à chaque fois 1 milliard de puissance. Mais si le châssis ne suit pas, dans tous les cas, la moto, on ne pourra rien en faire. Ah, clairement. Donc, à mon avis, soit Honda se dit c'est la dernière année où on galère. Parce que forcément, pour moi et je pense pour tout le monde, Quarta est quand même au-dessus de Mir et de Marini. Hein. Donc, Honda est sans doute sur la bonne voie pour se développer, pour développer sa moto. Et donc, se dire, eh ben, on va au pire, on sécurise un top pilote tout de suite qui pourra faire des merveilles avec. C'est ça, ouais. Non, mais c'est pas. Ouais, c'est. Mais ça me paraît quand même ouais, assez surprenant. On demande, il irait au HRC. Bah, évidemment, oui, oui, il signe pas chez Honda. Ah oui, non, pour totalement, aller il est chez HRC. Hein, s'il vous plaît. Mais non, c'est. Ouais. Et oui, ça peut être très intéressant parce que les rumeurs là, ça peut mettre une épée de Damoclès sur la tête de Mir et de Marini. Ah, bah, il y en a un des deux qui va se lancer de toute façon. Le oui, premier ça, qui fait des erreurs, il sait que sa place, elle est menacée. On va faire une saison tous les deux là. Donc, ouais, mais c'est donc possible, il y a des pilotes comme ça qui se réveillent avec la pression. C'est vrai. Donc franchement, à voir, mais c'est juste que c'est tellement tôt. On est le 29 janvier, il y a tout qui pète. Que t'aies ces annonces-là au mois de mai, je veux bien. Au mois de mai, je veux bien, mais là, on est le 29 janvier. Non, mais après, c'est... le truc en plus, moi là où Yamaha, ils sont pas très malins, je trouve, c'est de signer Martin directement. Parce que tu signes Martin le 29 janvier. T'es pas à l'abri qu'il ait signé avec Ducati le 14 septembre, hein, de nouveau. Enfin, Oui, totalement, bien sûr. tu prends le risque quand même, parce que lui, il a pas de parole, alors bon. et puis c'est surtout qu'il a quand même eu une année complètement à côté des circuits avec ses blessures. Là, il subit encore des opérations. Est-ce qu'il serait capable de revenir comme un Marc Marquez a pu le faire aussi? Bah, c'est ça qui est le problème. Alors après, on va souhaiter pour eux que Toprak casse la baraque, parce qu'au moins, ils auraient leur top pilote. Après, je continue de penser que Toprak, il le joue pour 2027 et qu'avec sa connaissance des Pirelli, ça peut être très bon. Ouais. Mais bon, le V4, ils ont en fait, quelques mois. C'est surtout que potentiellement, si la moto elle est à la rue, personne ne voudra aller chez eux. Bah c'est ça. Puis sauf un pilote, pas comme un peu comme Zarco, un pilote qui veut faire que du MotoGP et rien d'autre. Oui, qui veut c'est pas ça. Se trouver en Superbike, etc. Donc tu peux très bien avoir des échanges avec un Mir qui tombe, un Mir ou un Marini qui tombe chez Yamaha. Hein. Bah, un Mir ou un Marini qui tombe déjà, oui, ça, oui. Enfin, Mir qui tombe, ça, il n'y a pas de souci. Mais vu qu'Yama sera encore classe D, du coup, il tombe. Il tombe dans tous les sens du terme, donc ça, c'est très très bien. Mais non, c'est. Voilà, c'est. Ouais, t'arrives, t'as un V4. J'essaie de regarder, mais je me demande si. Oui, c'est le moteur de la Ducati, c'est un V4 depuis qu'ils sont arrivés en MotoGP. En fait, depuis 2003, ils ont un V4. Donc. Les mecs, ils ont plus de 20 ans d'expertise et d'expérience sur le truc. Évidemment que ça marche. Et encore une fois, le seul truc qui marchait tout le temps sur la Ducati, c'était le moteur. Hein. Ça, il n'y a jamais eu ce problème. Ils ont eu des années de déboire. Donc c'est ça, ils ont eu des années catastrophiques parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer toute cette puissance. Là, en plus, si soudainement Yamaha a les mêmes soucis, ça va devenir vraiment embêtant. Donc, le seul avantage pour Yamaha de récupérer Martin, c'est que les V4, il les connaît. C'est ça. Et il connaît le V4 Ducati. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est extrêmement intéressant. Jacques Miller aussi, tu vas me dire. Hein. Ça, c'est l'avantage d'avoir toujours Miller aussi. Il a roulé avec la Ducati, donc ça peut l'aider là-dessus. Excel, Acosta est vraiment blindé pour 2027. Bah oui, effectivement, il y a des rumeurs comme quoi Ducati le cherche. Après, l'avantage de Ducati, c'est que ils ont les moyens de rompre un contrat, enfin de rompre le contrat, de racheter le contrat d'Acosta s'il faut. Et Acosta, voilà, si t'es pilote et que tu veux gagner des grands prix, on te propose une Ducati, tu vas pas dire non. De toute façon, Acosta est là pour être champion du monde. Donc si Ducati lui fait un pont en or et arrive à péter le contrat de KTM, il va accepter. Le seul truc, c'est pour Ducati, c'est où le mettre et le remplacer par qui. Marquez, la place, elle est sécurisée. Qu'est-ce que tu fais d'Acosta? Est-ce que tu rétrogrades Pecco et tu mets à la VR46, ce qui est tout à fait possible. Parce que ça m'étonnerait vraiment que Ducati lâche Pecco. Bah, et puis Rossi surtout. Ouais. Et du coup, si tu lâches Pecco, à mon avis, Rossi, il va faire ouais, et ben on va les fournir ailleurs. Hein. Il peut très bien faire un move en disant bon, on retourne chez Yam. Oui, et il met Pecco sur la Yamaha, oui. Bien sûr. Donc après, tu peux mettre Pecco à la VR46. De toute façon, dans tous les cas, tu mets Pecco à VR46. C'est le rétrogradé parce qu'il n'est plus dans le team officiel. Dans tous les cas, il aura la même moto. Dans tous les cas, il pourra claquer des podiums. Donc en soi, c'est pas choquant. On voit bien Marquez avec Gresini. Marquez avec Gresini. Mais si tu signes un Acosta, je pense pas que tu puisses le mettre chez un Gresini ou dans non, un merde, satellite, ça va être impossible. Surtout qu'il fait troisième du championnat quand même là, hein, donc là il est dans les top pilotes. Hein, C'est juste que malheureusement la KTM elle est pas dedans parce qu'ils ont pas de pognon et qu'il y a des gros problèmes de développement et qu'ils surpilotent. Parce que Binder il a fait des chutes toute l'année pareil. Hein, les deux sont très bien, sont énormément tombés. Le seul truc qui tombe en porte-à-faux pour Acosta, c'est le fait que Vignales ait fait des belles perfs. Ouais. Et que Acosta quand il gueule en disant que la moto elle est pourrie, ils nous disent bah ouais mais Vignales il y arrive. Voilà. S'il y arrive, c'est que la moto est bonne. Voilà. C'est ça, ils ont raison d'une certaine manière. Mais bien sûr. Mais après, partir chez Ducati ne serait pas débile, parce qu'évidemment, il y a un nouveau règlement. Après, c'est un nouveau règlement avec Gigi Danigna qui va faire la moto. Donc, nouveau règlement, pas nouveau règlement, elle sera très bonne, la Ducati. Hein. Ça, je pense qu'on peut le garantir. Donc, c'est pas un risque en soi. Le risque d'aller chez Yam ou chez Honda est plus important aujourd'hui, parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont faire justement sur la nouvelle moto. Et on a vu ces dernières années que c'est des... C'est un peu variable chez eux. Ducati, ils ont littéralement le meilleur ingénieur de MotoGP, donc c'est pas spécialement inquiétant. Très clairement, je pense pour aller. Alex Marquez ne sera donc pas promu. Bah, je pense qu'il n'y a jamais été question qu'Alex Marquez aille dans l'équipe officielle. Déjà, on a été étonné de quand même sa longévité en MotoGP. Hein, parce que les débuts chez Honda, ils ont été catastrophiques. Hein. Pour moi, il était juste resté parce qu'il avait le nom et que la famille faisait pression pour qu'il reste. Et là, bon, bah là. Heureusement pour lui, il a pu montrer tout son talent avec la Ducati. Mais de toute façon, là, on parlait du cas Stroll la semaine dernière. Tu mets n'importe quel pilote MotoGP sur cette Ducati, dans tous les cas, il te claquera des podiums. Oui, ça c'est pas. Oui, c'est sûr que c'est pas compliqué. Tu prends le plateau actuel. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais tu prends, pour moi, tu prends les 15 premiers. Tu les fous chez Gresini. T'en as à une ou deux courses, ils te font forcément un podium, voire une victoire. Ouais, clairement. On nous dit d'ailleurs avec un règlement qui se veut plus simpliste au niveau de l'aéro, est-ce que ça serait pas le moment pour un comeback des japonaises? Mais le problème, c'est qu'il sera pas plus simpliste. C'est ça le souci. Ils font croire qu'il y a plus rien, mais en fait, il y aura toujours. En fait, ils auront à peu près le droit aux mêmes ailerons, sauf qu'ils sont juste décalés sur la moto. Ils sont un peu plus haut, et un peu plus bas et un peu plus loin. En tout cas, ils sont plus loin, ça c'est sûr. Parce qu'ils sont plus haut ou plus bas, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, ils font en sorte de diminuer leur efficacité, mais ils resteront très efficaces et ils resteront là. Donc, de toute façon, Dalinia et ceux de chez Aprilia, ils vont garder cette expertise des ailerons et ils vont garder cet avantage-là. Peut-être que cet avantage sera un peu moins important, mais comme chez Honda et Yamaha, ces dernières années, ils ne savent même pas faire un châssis, Honda, ça s'améliore quand même. On a beau dire ce qu'on veut, la Honda, elle a fait des belles perfs et voilà. Rien que le fait les concessions leur a fait du bien. Voilà, et rien que le fait de passer en concession, ça prouve que objectivement, ils ont fait des meilleures performances et que la moto s'améliore. Yamaha, moi, j'ai une vraie inquiétude pour eux parce que si la moto est encore à la ramasse cette année, bon, déjà Quartararo, du coup, il sera content d'être parti potentiellement, mais surtout, si la moto est encore à la ramasse, ils n'auront plus d'excuses. Ils auront exactement la même spécification de moteur que tout le monde. Tout le monde est en V4 de toute façon maintenant aujourd'hui en MotoGP, donc c'est pas compliqué. Les meilleurs, c'est ceux qui font le meilleur boulot. Les moins bons, c'est ceux qui font le moins bon boulot. Si la Yamaha est complètement à la ramasse, c'est que Pareil pour dire, oui, mais notre V4 est pas... Voilà. Mais si t'es à la ramasse au Mugello, tu peux dire que c'est la faute du moteur. Si t'es à la ramasse au Saxon Ring, c'est que ton châssis est mauvais. Donc, s'ils sont encore mauvais toute la saison, c'est qu'ils n'auront pas réussi à faire un bon châssis. Et ça, peu importe les règlements que tu fais au fur et à mesure, tant que tu changes pas les gens qui s'occupent des motos, ça évoluera pas. Là, ils ont quand même fait des changements techniques dans leur équipe technique, donc peut-être que ça va s'améliorer, on peut leur souhaiter. Mais aujourd'hui, quand t'as Ducati qui sait toujours faire des moteurs et Gigi Dalligna qui sait faire un châssis et une aéro, je vois pas comment on peut directement enrayer leur domination pour l'instant. Donc pour Acosta, ce serait pas con d'aller chez eux. Je pense que Martin, très vite, il s'est quand même rendu compte que retourner chez Ducati, ça serait compliqué, mais vouloir à ce point ne pas rester chez Aprilia, je trouve quand même que c'est un peu con. Hein. Ouais, je ne comprends pas. Hein. Franchement, même Aprilia, hein, parce que Aprilia avait refusé de prendre Quartararo parce qu'il était trop cher, alors qu'ils ont quasiment aligné les billets pour Martin. Mais oui. Au même prix, quasiment. À quelques millions près, c'est la même chose. Quelques millions. Je crois que Quarta, il est à 19. Mmh. Et Martin, je crois qu'ils l'ont pris à 16 ou 17. Ouais, donc c'est pas dire que Quarta il est trop cher et derrière en fait tu prends un pilote quasiment au même prix. Franchement, je vois pas le truc, et surtout que bon, après dommage pour Quarta, il aurait vraiment dû sentir le flair d'Aprilia, parce que l'Aprilia elle est quand même très très bonne, c'est une très bonne moto. On voit ce qu'a pu faire Bezzecchi, enfin Martin du coup il y a deux ans, et Bezzecchi l'an dernier, les mecs ils savent développer la moto. Donc pourquoi avoir refusé l'offre Aprilia? Alors est-ce qu'il était frileux en se disant bah Yamaha c'est plus solide? Bah ouais, mais Yamaha ça fait 10 ans que c'est pas solide. C'est ça. Enfin, 10 ans, allez, 6 ans. Donc franchement. Bah, ah non, mais si on est honnête, Axel, 10 ans. Hein, je rappelle que les problèmes de Yamaha ils ont commencé en 2017. Hein. Ouais. Alors, il gagne le titre en 2021, certes, mais période particulière. Ouais, j'avais dit 6 ans, parce que je comptais aussi Morbidelli quand même. Oui, Morbidelli qui fait deuxième en 2020, c'est vrai. Mais après, voilà, ça, à partir de 2021, ça a été la fin du 4 en ligne, de toute façon. Le titre de Suzuki, et après, c'est terminé. Hein. Ah oui, oui, le titre 2021 de Quartararo, on rappelle que c'est dû à des circonstances et au fait qu'il est exceptionnel. Hein, mais qu'il est capitalisé en début de championnat énormément de points. C'est ça, et tu as eu le fait que Marquez soit pas là, voilà, c'est un Marquez en forme, les titres 2020 et 2021, il n'y a pas de question. Hein, donc, ah mais totalement, les titres ils sont pour lui. Hein. Donc ouais, après pour Aprilia et Martin, je ne comprends pas cette relation, parce que du coup ils sont allés le chercher. Et en fait, ça, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, la moto est très bonne et lui veut se barrer absolument. Bah, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi? Enfin, je ne comprends pas. Et au pire, aller chez Yamaha alors que tu pourrais sentir le flair d'un Acosta qui pourrait partir chez Ducati, bah pourquoi tu récupères pas un guidon KTM? Ouais, parce que un KTM, guidon Yamaha, honnêtement, hein, entre les deux, tu prends aujourd'hui, alors on verra 2027, mais tu prends aujourd'hui, je préfère un guidon KTM qu'un guidon Yamaha, même si KTM a plus de pognon. Ah oui, parce qu'au moins, après... Ça, c'est le risque, parce que comme tu vas quand même développer une toute nouvelle moto, sans pognon, là, il pourrait arriver avec un très tôt quand même. Donc, à la rigueur, ouais, que KTM, tu sois un peu frileux, si tu prends ça en considération, je peux comprendre. Mais ouais, ne même pas essayer mais même après, pas essayer d'ailleurs, c'est, KTM, ouais. KTM, ils font un moteur. Derrière, ils ont l'appui de Red Bull pour de l'aéro et du châssis. Oui, à la rigueur, oui, oui, mais... Déjà, avoir le moteur, ça, tu vois, en plus, c'est toute nouvelle génération de moteurs. Maintenant, on va repasser au 800. Donc, voilà, peut-être que là, ils vont avoir un petit peu de difficulté. Ouais. Citizen nous dit, je pense que Martin souhaite partir, qu'il va être pilote numéro 1, ce qui n'est pas possible avec la saison de Bezzecchi. Ouais, mais. Il a qu'à être meilleur, il a qu'à pas être blessé. Ouais, puis honnêtement, partir chez Yamaha, prendre le risque d'être face à Toprak, qui connaît les Pirelli, qui va peut-être. Qui quand même, sur le papier, est un crack. Après, quand tu arrives en MotoGP à 29 ans, c'est peut-être que tu n'es pas non plus si bon que ça, donc on verra ce qu'il en sera exactement cette saison déjà. Mais je suis pas certain qu'aller chez Yamaha avec Toprak l'an prochain, s'il est promu, ça soit l'assurance d'être numéro 1, tu vois. C'est sûr que tu as plus de chances d'être numéro 1 en allant chez Yamaha qu'en allant chez Honda. Enfin, encore que... Oui, En date, aurait pu si Quartararo n'avait pas signé. Mais je pense qu'aujourd'hui, entre Quartararo et Martin, tu choisis quand même Quartararo. Et dans les voilà, et chez Ducati, évidemment, il serait absolument pas numéro 1. Et je pense qu'il a plus du tout envie de retourner chez Ducati. Je pense pas que Ducati ait envie de le récupérer. Non, bah, de toute façon, ils ont Marc Marquez à partir du moment où tu as sécurisé le meilleur pilote de la génération. Et soyons très honnêtes, c'est terrible à dire, mais sur ce qu'on a vu l'année dernière, par exemple, si tu me dis qui de Marc Marquez ou Roger Martin va raccrocher le premier, je te dirais Martin. Donc, ouais. c'est pas déconnant de te dire que tu veux garder Marquez. Donc, ouais, je suis un peu. La saison de Quarta chez Yamaha s'annonce pas simple non plus, parce que, admettons que l'officialisation arrive dans les prochaines semaines ou prochains mois, qu'il quitte effectivement Yamaha pour Honda, il va quand même devoir faire un retour technique pour développer la Yamaha, ou du moins pour avoir quelques pistes pour 2027. Ah bah non, il n'aura pas le droit, il n'aura pas voix au chapitre. Ah bah non. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que Yamaha va pas partir quand même d'une feuille blanche. Enfin, je veux dire, ils développent une nouvelle moto, mais quand même, il y a cette histoire du V4, donc quand même, ils vont vouloir un petit peu récupérer de la data, quoi. Oui, mais ils demanderont l'avis à Miller. Oui. Jack Miller en développement de moto, c'est pas le moins bon. Donc, il a un retour technique intéressant. Ils ont Rins encore, hein, je tiens à vous le rappeler, même si évidemment personne n'est au courant, mais Alex Rins est encore pilote. Hein, c'est juste que Rins, c'est comme Martin, c'est beaucoup de blessures et concrètement, il n'y arrive plus. Ah oui, Rins a enchaîné les blessures et il n'arrive plus à revenir à son niveau à cause de ça. Axel, ça a raison. Après, alors, effectivement, Martin, on a oublié un truc, Axel, mais c'est vrai que. Parler de KTM, mais est-ce que KTM a encore envie d'avoir Martin, sachant qu'il leur a fait à l'envers pour son arrivée en MotoGP? Ducati a peut-être plus envie d'avoir Martin parce qu'il les a. Il leur a cassé les pieds. Ah, mais Ducati ne prendront jamais Martin. Enfin, c'est plutôt Martin n'a pas envie de Ducati parce qu'il leur a réclamé le guidon officiel, ils ne lui ont pas donné. Et du coup, il y a Aprilia, ils ne voudront plus Martin parce que même s'ils nous ont fait croire l'an dernier que les relations étaient apaisées et tout, je pense que tout le feuilleton les a quand même après, bien. Ouais, il a mis à l'envers à KTM, mais quand tu vois KTM, tous les pilotes qui prennent. Oui, non, mais bien sûr. Il dirait pas non pour récupérer un Martin. C'est Red Bull après aussi, de toute façon. C'est Red Bull, on fait pas de sentiments, et je comprends bien l'idée. Mais bon, j'avais quand même cru comprendre que il avait quand même mal pris. Alors heureusement, ils ont chopé Acosta quelques saisons après, donc finalement, ils ont quand même réussi à avoir leur très bon pilote. Mais c'est vrai que le côté. Je jure fidélité à KTM pour partir chez Ducati deux semaines après, c'était quand même relativement mal passé. Martin doit prier pour que BMW arrive en MotoGP d'Yoller pour avoir un nouveau constructeur à qui faire la misère. Ah bah là il attend que ça maintenant, hein, c'est plus possible. Donc on verra ce que ça va donner cette affaire, mais bon, la silly season de MotoGP commence très bien avant même le début de la saison, et donc ça ne peut que nous promettre du bon à mon avis cette affaire, et ce sera assez sympa à suivre ce week-end, parce qu'on voulait que les news soient une grosse page MotoGP, parce que c'est quand même pas mal, mesdames, messieurs. Mais ce week-end, donc, la Formule 1 à Miami sur le circuit de F1, pas en entier. On rappelle, hein, c'est l'avantage d'un circuit non permanent, qui du coup est permanent, hein, c'est qu'on peut faire plein de variations du circuit. Donc ce sera quand même autour du Hard Rock Stadium à Miami. Il y a de l'Asian Le Mans Series à Dubaï, les 4 heures de Dubaï, il y a deux courses samedi et dimanche. Et alors ce week-end, le retour de la NASCAR, bah oui, ça fait quand même 2 mois hein, que la NASCAR n'avait plus roulé, c'était long, mais le retour de la NASCAR à Bowman Gray, le clash, course hors championnat. Alors, comment essayer de vous le dire de manière simple et rapide, Bowman Gray Stadium, si je ne dis pas de bêtises, c'est à Winston-Salem en Caroline du Nord, voilà, hein, pour que vous ayez une petite idée de où c'est actuellement. Et donc, si je tape dans Google, par exemple, Winston-Salem North Carolina weather, il fait actuellement à 16h 1 degré. Voilà. Et ils attendent. Enfin, ils ont eu des chutes de neige démentielles et la course a lieu dimanche soir. Et dimanche soir, au plus fort de la journée, il fait moins 2. donc, pas certain qu'il y ait la course ce week-end, si vous voulez. C'est pas encore garanti. Parce que samedi, il fait. Samedi, les températures, le pic va quand même être atteint, rassurez-vous, vers 16h, hein, avec moins 6. C'est-à-dire qu'ils font la course en Sibérie ce week-end. Donc, il fait moins 6 samedi et il va neiger. Donc, dimanche, pas sûr qu'il y aura la course. C'est diffusé lundi soir à 20h30 sur Automoto la chaîne. Enfin, c'est une course, évidemment. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ça peut être hilarant. La NASCAR, par des températures négatives, ça peut être très drôle. Regardez, moins 6 Celsius ou Fahrenheit. Celsius, s'il vous plaît, quand même, parce que moins 6 Fahrenheit, je pense qu'ils vont tous décéder, les pilotes. Hein, ça va être compliqué. Donc, en tout cas, voilà, hein, les pilotes de NASCAR à Winston-Salem, courage, on n'est pas ensemble. Hein. Vraiment, voilà, hein, ça, c'est très important. J'ai regardé la série NASCAR de Netflix, sacrée surprise de savoir que c'est pas tous des Trumpistes, parce que c'est un peu l'impression que ça donne. 80% juste de Trumpistes, hein, vous en faites pas. D'ailleurs, j'oubliais, mais dans les news, évidemment, Donald Trump a sorti une vidéo en IA de la course d'IndyCar de Washington qu'il veut faire. Ça, c'est toujours assez, assez fabuleux. En parlant de Donald Trump, remettons des prix. Alors, il n'a jamais réclamé le Merdolino, mais je pense qu'une fois qu'il apprendra l'existence du Merdolino, il écrira une lettre, évidemment, au gouvernement norvégien pour demander à ce qu'on lui remette. Donc, c'est parti, les manches à couilles, messieurs. On prend manche, on prend des couilles, ça fait un manche à couilles. On nous a dit que c'est Matteo Fontana qui va gagner la course de NASCAR ce week-end, du coup. Bah oui, forcément, la fin de soirée à l'E3, ça va mieux tenir, hein, sur la neige. Ce sera plus pratique. Les Merdolinos, qu'est-ce que vous nous avez mis sur X, anciennement Twitter, alors qu'on a écrit chat dans le chat, justement. Bah oui, il y a un petit chat qui est arrivé. Les Merdolinos, alors, Merdolino pour Stroll pour la journée productive avec Aston Martin. Mais ça va, de mal au dos, il va faire 150 tours, une 15.8, et voilà, enlever le bœuf et lâcher plein, champion du monde. Ne vous en faites pas. Merdolino pour Williams, pour le Real Madrid, pour le but encaissé en fin de match hier soir. Mais ils font pas de la course auto, s'il vous plaît. La F1 qui trouve marrant de faire un montage sur le crash d'Alési. Excusez-moi, hein, mais c'est ça votre combat? Ça va, c'est une vidéo sur un crash qui s'est passé il y a 25 ans. Ah ouais, ils en sont sortis, Jeannot, hein. C'est pas si grave. Merdolino, le CM de la F1 avec le montage d'un crash d'Alési. Ah ben arrêtez, s'il vous plaît. Ford qui se plante royalement, nous dit Valkyria. Ah, Daytona, tu veux dire, je pense. Williams qui loupe le shakedown, la F1, c'est test fermé. Manche pour Williams, évidemment. Les quelques personnes qui tirent des conclusions après avoir séance d'essai. Mais demain, Alonso va être champion du monde, donc c'est fermé. Williams, la F1. Bon, bah, ça va se jouer entre Williams et la F1, quoi, en gros, hein, si j'ai bien compris. Voilà, vous allez quand même pouvoir voter, et ça, c'est chouette. Donc, ça va se jouer entre Williams et la Formule 1. Je vous prépare ça tout de suite sur Twitch, mesdames, messieurs. Où est-ce que j'ai mis Twitch? Je l'ai viré l'onglet. Allô? Vous nous entendez? La transmission n'est pas coupée. T'oublies Blue Sky. Mais Blue Sky, vous avez mis la même chose, enfin. Voilà. La F1. Et alors, moi, j'ai pas compris le la FIA pour sa vidéo sur la F1 2026 sur YouTube. Incompris. J'ai pas l'idée. Alonso qui se fait électrocuter demain, la cote est à 1,27. De toute façon, demain, c'est pas compliqué. Ou Alonso est champion du monde 2026, ou il a 12 ans. C'est, voilà, il n'y a pas d'entre eux, de toute façon. Donc, voilà, ce sera le grand moment, quoi qu'il arrive. C'est pas compliqué. Je mets donc la Formule 1, et on a dit quoi déjà? Merde, c'était quoi? Attends. Williams. Voilà, Williams ou la F1. On rappelle que Williams, évidemment, rassurez-vous, ils font leurs essais sur un banc actuellement, donc tout va bien. Pour eux, évidemment, ils seront là à Bahreïn. Tous les cas, on leur souhaite. Hein. Ouais. Sur YouTube, il y a une vidéo de la FIA sur la F1 de Yassis en réalité augmentée avec une grosse mise en valeur de MBS. Et oui, incroyable, mesdames et messieurs, la FIA met en avant le président de la FIA. Choc barre de BZ. Incroyable. Waouh. Ah, je suis surpris. Hop, je vous mets le même sondage sur YouTube. Vous avez 3 petites minutes, chers amis, pour répondre, bien évidemment. Le A, quels sont tes merdolins, s'il te plaît? Alors, j'en ai 2 très spécifiques. Le premier, c'est un nom que vous ne connaissez pas. Oh, mais les deux n'existent pas. Hein. Oui, voilà, ils nous inventent des noms déjà. Le premier, c'est pour Vince Freezy. Oui, bien sûr. Pilote, oui. Qui est un pilote de motocross américain. Qui, ah, il s'est reconverti. qui fait. Il était fléchette avant. Ah oui, d'accord, je le connais bien. Oui, oui. Alors, si, le deuxième nom, je connais. Hein, je disais, les deux noms, il a mis deux noms inventés, mais le deuxième, je connais. Donc Vince Frizzi qui fait le championnat Supercross cette saison là aux États-Unis et qui a littéralement tenté un attentat sur un autre pilote qui était de mémoire Mitchell Harrison. C'est-à-dire qu'en fait il l'a bloc passé. Oui, non, c'est pas inventé le nom. Oui, non, mais oui, à l'autre. Hein. C'est juste que le virage de l'arrivée était un virage pour faire des bons gros block pass à l'américaine. Sauf que le problème, c'est qu'en sortie de virage, donc c'était l'arrivée, et à l'arrivée, sur le côté de gauche ou droit, tu as des énormes échafaudages pour tout ce qui est mise en place de la caméra. Tu as aussi la direction de course qui est souvent à cet endroit-là. Tu as pas mal de choses. Mais comme c'est des échafaudages, donc c'est des armatures métalliques. Et donc du coup, bon après c'est une toute petite protection, mais il y avait un petit ballot avant cet échafaudage. Et donc du coup, Vince Frizzi qui a littéralement percuté son concurrent pour la 19e place. Je précise, quand même. Sur 22, mais sachant que il y avait trois abandons. Donc en gros, il se battait pour la dernière place, voilà. Et donc du coup, il l'a percuté à la sortie du virage et le pauvre pilote est allé s'emmanchait dans le ballot. Heureusement qu'il y avait le ballot, parce qu'à la vitesse où il a percuté le ballot, il partait dans l'échafaudage, hein, clairement. Donc du coup, Vince Frizzi a été rappelé à l'ordre et il a pris des sanctions. Et donc gros manche à lui, parce que c'est vraiment dans son gros sport. Je vois la vidéo, c'est terrible. Ah ouais. Et ça c'est vraiment léger, parce que c'est vraiment ce pilote là il est pas forcément apprécié, parce que c'est vraiment son genre de pilotage d'aller percuter un peu tout le monde. Il en a déjà fait des pires avant. Hein. C'est clairement un pilote très, très spécial. Il y a des pilotes qui n'osent pas le doubler, hein, clairement, ah oui. Parce qu'en fait, ils savent que sinon, ils vont se faire percuter. Donc voilà pour lui. Et le deuxième, pour Chick X. Pour avoir percuté Flash McQueen. Razak Cup, voilà. Alors, mais ça m'a refait ma soirée, ça. Parce qu'on rappelle, donc la semaine dernière, on a regardé ensemble la Razak Cup, évidemment, la première course. Flash McQueen, qui, je suis désolé, mais. Il aurait gagné la première course s'il avait tiré la langue, déjà, donc bon, voilà. Et deuxième course, il s'est littéralement fait sortir par Chick X, et donc ça va donner des... Il y a eu un montage, évidemment, où quelqu'un a écrit « Dinoco's all mine !» Voilà, parce que là, c'est à moi Dinoco. Mais c'est, au début, je vois le truc, oh, bah, ça va, il rigole parce que c'est Flash McQueen qui s'est sorti, tu vois l'image, c'est vraiment l'autre avec Chick X. Ouais. Et il a fait la peinture jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle est verte, 86, et il y a 19 milliards de sponsors partout, donc ça, très très bien fait. Et effectivement, ça ne pouvait pas mieux tomber. C'était assez, assez prodigieux, cette affaire. Le G. Manche pour Chick X. Oui. Il mérite bien Chick X. De toute façon, on l'aime pas. Et puis, de toute façon, je vous rappelle que tout ce qui compte, c'est qu'à la fin, hey, c'est qu'une coupe vide. Hein. Bon, le G. Premier manche vite fait pour la super spéciale de Monte Carlo, insupportable. Mais c'était très bien de faire des donuts sur des pavés sous la pluie. Flemme, ultra flemme. De toute façon, je suis en flemme ce week-end, cette semaine. Deuxième Merdolino pour la Williams Schrödinger. Et le discours de James Wolff et tout, etc. C'est quand même des... Alors, c'est quand même une écurie qui a fait une excellente saison 2025. On n'est pas à l'abri que Cadillac ou Audi fassent mieux que Williams. Si, je pense qu'on est à l'abri. Hein. Si, ça... Mais c'est catastrophique. On peut rigoler. Ah, quand même. On peut rigoler. Non, mais ouais, c'est... Mais, alors, c'est d'autant plus catastrophique parce que, quand même, on rappelle que quand le fonds d'investissement d'Orilton Capital avait racheté... la famille Williams. Alors certes, ils n'ont pas menti, ils avaient donné un plan sur 10 ans. On est dans les clous, on est large. Mais bon, à un moment donné, step by step, il faut... Alors, 2026 nous donnera tort si ils sont top 3 ou top 4, d'accord. Mais quand tu commences une saison comme ça, ça pue. Après, je te rassure, ils n'ont pas promis qu'ils allaient gagner dans 100 courses. Oui, donc, tout va bien. C'est vrai, oui. C'est vrai. Mais c'est juste que c'est compliqué parce que tu te dis, il y a quelques années auparavant, ils étaient au même niveau. Oui. Ou ils sont venus, ils sont pas venus, ouais, ils sont pas venus, ou ils n'avaient pas de pièces, c'était compliqué de produire. Et pas de dire, Williams, elle a chargé un aileron dans un jet privé. C'est ouais. Et le truc, c'est que ils ont tellement bien remonté la pente la saison dernière. Franchement, pour Williams, la saison dernière, elle est magnifique. Mm. Et là, de changement de règlement, nouvelle voiture, et en fait, il n'y a que dalle. Ah oui, ça marche. Pour l'instant, la voiture, elle est pas là, hein, on rappelle. Ça sera là, pour eux, à mon avis, ça va être bon, bah, on fait rien. On va voir ce que font les autres et puis on fera une copie l'an prochain. Non, mais là, ils tournent sur e-racing, là, ils sont contents. Oui, ils font leur VTT. Mais c'est ce qu'ils ont dit, hein. On fait du simulateur, oui, c'est bien. Oui. Ils font du VTT, hein, pour l'instant, hein. C'est littéralement le nom, donc voilà, hein, bah, qu'ils fassent du VTT et puis. On verra. Moi, pour l'instant, j'ai cassé ma Williams, moi, pour l'instant. Hein. Vous en faites pas, donc. Oh non. Mais oui, mais au moins celle-là, je suis désolé, elle existe, hein, contrairement à l'autre. Parce que je rappelle, merci à Williams qui a quand même fait une très jolie livrée pour les essais de Barcelone. Ouais. On ne verra pas. Voilà. C'est quand même sympa. En plus, c'était les fans qui l'avaient choisi. Ouais, les fans ont choisi la livrée qu'on peut pas voir. C'est quand même cool. Ah, et c'est vrai qu'il présente. C'est le 9 qui présente. Non, ça c'est McLaren. Non, c'est avant. Non, c'est le 3, je crois. Je crois. Le 9, c'est McLaren et Aston Martin. Ah oui, donc officiellement, Bahreïn, ils sont censés utiliser leur livret définitif. Ah oui, non, mais tout le monde. À Bahreïn, tout le monde aura livré définitif puisque le 9, c'est les dernières présentations. Le 8, il y a Cadillac pendant le Super Bowl. Okay. Ah oui, oui. Donc, pardon. J'augmente mon Merlino pour la livrée des fans que les fans n'auront pas vu. Ça c'est quand même assez fabuleux. Donc chapeau Williams pour cette magnifique livrée invisible. La livrée Schrödinger, encore une fois. Hein, c'est... Ah ouais, non, celle-là elle est magnifique. Je continue à distribuer la F1 oui. pour effectivement ses essais à huis clos. Diffusé tous les jours sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez droit à des lumières chaudes et des interviews des pilotes. Des lumières chaudes. Non, mais tous les jours, ils nous ont littéralement produit un résumé, voilà, avec des belles images, des interviews des pilotes. Avec Alex Jakes qui commente et qui a l'air en dépression, le garçon, quand même. Là. C'est... Te commence en disant « It was a great day for Racing Bulls. They did 134 laps. Good job. Great. » En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de plus ? Oui, bah, j'ai pas un peu de folie. Oui. Non, mais bon, on a bien aimé ce huis clos parfaitement bien résumé, highlighté tous les jours. Highlighté tous les jours. Donc voilà. Et le dernier, grosse flemme, mais immense flemme. Pour les tweetos techniques qui sont là à commander le moindre bout de carbone, vos gueules, fermez-la. Oh là là, tout de suite. Ah non, on n'en peut plus. À commenter, il y a des photos en 480p. Alors, les comptes qui reprennent les photos de ceux qui sont sur place en taguant les comptes. Non, mais arrête. Oh, il est chafouin aujourd'hui, Gazou. Non, mais. Si, des chafouins. Les mecs qui traduisent et qui répètent et qui répètent mal et qui déforment et qui ne comprennent absolument rien à la technique. Arrêtez de parler de pushrod, pullrod, rake. Non, même nous on comprend pas des fois. Arrêtez. Surtout nous. Ouais, mais c'est insupportable. Sur les réseaux sociaux, la Ligue d'Humanité, c'est mon nouveau TED Talk. Merci d'être là. Devenu un boomer aigri, voilà. Ouais, on dit, je suis désolé, mais la vis 27 du dashboard est importante, Gazou. Mais c'est vrai, ça, tu n'y penses pas assez, Gazou. Tu ne penses pas assez à l'importance de l'aérodynamique. Ouais. J'ai pété ma Williams, putain. Bravo. J'en ai marre. Oh, j'en ai marre. J'ai mis quoi, moi, déjà, qu'on rigole un peu Ah bah oui, oh là là, bah, j'en ai mis qu'un seul, mais alors celui-là, il est en or massif, hein. Parce que Hyundai, bon, très gentil, hein, très sympa comme constructeur, j'aime bien, bravo, voilà, super. Bon, c'est sûr que... qui aurait pu prédire que le Monte Carlo se disputerait sous la neige ? Voilà, effectivement. Mais alors, déjà que Hyundai a dit, je crois que c'est Neuville ou je sais pas si c'est quelqu'un de chez Hyundai qui a dit ça, mais si le Monte Carlo avait lieu le lendemain, on l'aurait gagné. Quel dommage donc que ça n'ait pas eu lieu le lendemain, hein, évidemment. Dommage de ne pas avoir pris ça en considération pour préparer la voiture. Mais surtout, leurs derniers essais avant le Monte Carlo, ils les ont arrêtés parce qu'il neigeait. C'est dommage quand même avant le Monte Carlo. C'est ballot. Hein. Attends, je comprends pas. T'arrêtes parce qu'il neige ? Oui. T'enchaînes sur Monte Carlo Suède. Oui. Ils ont dit, ah non, mais il a trop neigé, alors on a écourté les essais. D'accord. Super. Pas de problème. Potentiellement, tu peux gagner les deux plus grands rallyes attendus que tout le monde attend tous les ans, et non. Et non, ils ont dit non, mais c'est bon, nous on fait pas nos essais, hein, parce que il neige, il fait froid. On a froid. Et donc ils ont pas fait les essais, donc bah forcément ils se sont pris une branlée, voilà. Bon bah super. Hein. C'est pas comme si Neuville avait remporté son dernier rallye le moins bien exposé médiatiquement parce qu'on célébrait le titre de Ogier. Ah non, mais c'est on souffle quoi, hein, c'est quand même terrible. Ils ont été très très forts. Donc voilà. Donc chapeau à Hyundai du coup qui a annulé, qui a interrompu ses essais Monte Carlo et du coup ben le Monte Carlo s'est passé sous un épais manteau blanc comme on dit évidemment. Le public a nommé sur Twitch, ils ont choisi Williams et la F1. Bravo. Oui. Ex aequo. Bon sur YouTube c'est Williams à fond, donc là au moins 83-17, un bon score de Jacques Chirac, donc ça on est largement bien. Hyundai, ils ont cru qu'ils préparaient la saison de NASCAR, on dit Florent, mais là, imagine même la saison de NASCAR, faut se préparer sous la neige maintenant, c'est quand même fabuleux. Mais donc voilà, assez grandiose de voir ces nouveaux merdes là. Merci beaucoup de nous avoir suivis parce que vous avez été très nombreux ce soir, donc ça fait plaisir. Merci d'avoir été là, on sent que la saison reprend tout doucement et c'est quand même vachement bien. Non, on n'a pas beaucoup de nouveaux constructeurs pour l'instant intéressés pour intégrer le championnat. On a Project Rally One, ça c'est les premiers qui se sont déclarés, mais c'est un préparateur plus qu'un constructeur pour l'instant. Merci le A, merci le G, c'était sympa. Encore une fois, merci le public. 22h32, ouais, on finit tôt ce soir, voilà. Hein, moi, je suis finito, donc voilà, on finit tôt. C'est normal, c'est tout à fait logique. Merci beaucoup tout le monde. À jeudi prochain pour un nouveau Racing Café. Et bon, bah là, celui-là, il y aura moins de trucs qui se seront passés, mais ce sera pas mal quand même. Allez, ciao, ciao tout le monde. Bye bye.